Alors bonjour tout le monde, bienvenue au premier chapitre d'Histoire de Gamer. Aujourd'hui avec moi, j'ai un invité, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître en commençant à faire du podcast, qui m'a aidé beaucoup quand j'ai fait ma collecte de fonds pour le camp. Et j'ai nommé Dominique Simard du site Factor Geek. Salut Dominique! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi? Ben oui! Dom, Factor Geek, vous avez vu votre premier podcast hier soir. J'imagine que ça a très bien été. J'ai fait un petit tour sur Twitch.tv quand vous avez commencé. Il y avait pas mal de monde live qui vous écoutait. Je pense que ça a été un bon succès. Écoute, ça a été, depuis longtemps, ça a été notre meilleur. Pas parce que, anciennement avec MyGamers, il n'y avait plus de motivation, mais tu sais, on savait depuis au moins un mois et demi que c'était terminé avec MyGamers, qu'on travaillait sur nos trucs. Fait que, tu sais, oui, la motivation était là, mais tu sais, on travaillait ces deux projets en même temps, fait que c'était pas évident de faire un podcast avec MyGamers puis préparer l'autre avec Factor Geek, mais je pense qu'hier, en tout cas, on a discuté pas mal avant le show, moi puis Steve, puis on est venu à la conclusion qu'on avait une formule maintenant qu'on va garder comme ça la plupart du temps. Puis à date, ben, en tout cas, la réponse a été positive. Là. Le monde a aimé les nouveautés qu'on a mis hier, les jingles, puis tout ça. Donc, non, j'étais très content parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du monde comme ça. Là. Puis même d'habitude, parce qu'on le problème le vendredi soir, c'est que on commence à 7h, donc à 19h. Ouais. Mais on sait qu'à 19h30, ben c'est Monsieur Net avec Denis Talbot qui est en bac. Fait que là, t'sais, on perdait beaucoup de monde, mais hier, finalement, non. Il y a beaucoup de personnes qui ont resté avec nous autres quand même. Fait que j'étais surpris, puis j'étais étonné. J'étais bien content en même temps. T'sais. Ben c'est le fun. Vous avez un following de monde à Star qui est quand même assez incroyable. Là. Vous avez pas mal de sites de visites sur le site aussi, selon ce que tu parlais hier. Puis je veux dire, c'est le fun. Moi, vous êtes un des premiers podcasts que j'ai connus à part Radio Talbot. Fait que je veux dire, moi, quand tu m'as parlé que tu faisais un nouveau projet, mais c'était clair dans ma tête que j'allais te suivre puis que j'allais continuer à écouter ce que tu fais. Là. Mais moi, ce que j'ai entendu, vos jingles étaient vraiment, vraiment épiques hier. C'était vraiment bon. Puis la chimie entre les gars que tu as amené avec toi, je trouve que ça va être super bien. Puis le titre de ton podcast avec, c'est Facteur G. Non, La Force G. La Force G. Ouais. Mais j'ai trouvé ça le fun. Écoute, c'est parce que on a ça, c'est une autre affaire, OK? Parce que, tu sais, sortir un nouveau site internet, là, tu passes, tu dis, ah oui, OK, on se fait un nouveau site internet, good. OK, c'est quoi le nom? Là, déjà, là, tu bloques en partant parce que tu n'es pas sûr. Tu te dis, ouais, mais est-ce qu'on veut un nom francophone? Oui, on est au Québec. Pour moi, c'est important, le fait francophone. Parce que, tu sais, oui, il y a des noms en anglais, c'est super beau. Tu sais, Geek Factor, ça sonne super bien à l'oreille, sauf que c'est anglophone. Puis ça, c'est un petit peu le problème que j'avais avec My Gamers aussi. Des fois, le monde appelait ça Mick Gamer, des fois My Gamer, mais tu sais, ça sonne anglophone. Puis, tu sais, j'avais toujours un petit bourdonnement dans l'oreille. Mais maintenant, tu sais, Factor Geek, ben, c'est français, c'est Factor Oui, tu sais. Ça peut dire bien des choses. Comme nous, notre devise, c'est Factor Geek, on distribue de la techno. Bon. OK. C'est un peu mal bizarre, mais c'est ça pareil. Puis, bon, puis là, geek, ben, ça sonne aussi bien en anglais qu'en français. Fait. Donc, puis tu sais, maintenant, on parle pas juste de jeux vidéo, comme tu as pu voir les News Express. Je couvre aussi le côté techno un peu, de télé, téléphone cellulaire, tout ce qui est techno. Donc, on s'en va plus à ce créneau-là. C'est sûr qu'il y a une grosse partie du site qui est axée sur les jeux vidéo, parce que moi, c'est mon créneau préféré à moi. T'sais. Je m'occupe de ça. Sauf que on a une place aussi prépondérante pour la techno. Deuxième des choses, le nom du podcast. Au début, je te cacherai pas que notre première idée pour Factor Geek, le nom du site, on avait pensé à la Force G. Parce que Force G, c'est un dessin animé que j'ai regardé ben, quand j'étais jeune, donc ça me rajeunira pas. Ouais, je l'écoutais moi aussi, fait qu'on est à peu près dans la même branche d'âge, mettons. C'est ça, mais tu sais, il est à 5 dans le groupe, nous autres on est 4, fait que là, en dernier finalement, on trouvait que ça fitait pas. Fait que là, on s'est dit, OK. Mais là, après ça, on s'est dit, OK, là, c'est correct, on a le nom du site, hein, bon, il est en ligne, parfait, le podcast, maintenant, on fait quoi? Tu sais, Weekend des Gamers, oui, on a 53 émissions, puis on avait un suivi, puis bon, le monde nous aimait, tout ça, c'était correct, sauf qu'on était pris dans un créneau qu'on n'avait pas le choix de jouer soit le vendredi, le samedi, ou même à la limite le dimanche, parce que Weekend, tu peux pas faire ça le mardi. Là. Ouais. Tandis que là, maintenant, si, mettons, on a un invité, puis ça marche pas, mettons, l'horaire est pas fixe avec l'invité, ou il y a un deux membres qui peut pas se présenter, ou il y en a deux, mettons, ben là, on n'est plus obligé de le faire le vendredi. On peut le mettre le jeudi, au pain, ou le mercredi, quelque chose comme ça. C'est sûr que le vendredi, ça met un cas horaire, parce qu'il y a personne qui fait un podcast, à part Radio Talbot, mais lui, il fait plus tard. C'est ça. Puis en plus, ben souvent, vous finissez tard. Le monde, le samedi, il y a moins de monde qui travaille. Fait que ça lui donne la chance de vous écouter jusqu'à la fin. Puis Ouais. tandis que le mardi, ben, c'est le mardi soir, il y a toujours les préparations pour le lendemain qui est une journée d'ouvrage, là. Ouais, mais le mardi, c'est réservé à une gang de déjantés aussi. Bon, Les ouais, shows c'est. techno, tu sais. Fait que, puis eux autres sont excellents, genre qu'ils reviennent en passant. Mais, c'est ça. Puis là, ben, on s'est dit, tu sais, puis le vendredi, de façon de 19h à 21h, il n'y a pas personne. Je veux dire, tu sais, la case horaire est vide. Il n'y a aucun podcast qui se fait pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est le meilleur des deux mondes. Parce que d'habitude, Radio Talbot, il commence à 21h30. Fait que, tu sais, on avait cet avantage-là. Puis le samedi matin, ben, c'est la même affaire. Il n'y a pas personne. Puis, on a eu beaucoup de commentaires comme quoi que le monde aimait ça déjeuner avec nous autres le matin. Fait que, Oui, mais c'est agréable d'avoir quelque chose à écouter ouais. parce qu'à part des petits bonhommes à la télé, puis souvent, même à cette heure, c'est plate, là. C'est le fun d'avoir quelque chose qui est intéressant pour le geek en nous autres à écouter le matin en finissant de déjeuner ou en prenant un café ou en, t'sais, en naviguant sur Internet, quelque chose comme ça, là. Ben c'est ça. Puis tu sais, un autre côté, c'est que nous, au départ, quand on a commencé, moi je me souviens, écoute, le premier week-end des gamers, c'était avec Luc Saint-Pierre. Puis à un moment donné, il a décidé de lâcher ça, il n'y a plus de temps. Fait que moi, j'ai pris la relève, mais dans les 10 premiers, là, des fois, je faisais juste 20-25 minutes parce que je couvrais, mettons, les aubaines, qu'est-ce qui s'en est pendant la semaine, les jeux vidéo à venir, tu sais, mais c'est tout, j'avais pas. Ben, premièrement, j'étais gêné de faire ça tout seul. Puis après Ouais. ça, j'étais allé chercher Steve, après ça, j'étais allé chercher Max, puis en dernier, Audrey. Puis on a une belle cohésion ensemble, mais tu sais, on s'est toujours demandé, parce que nous autres, maintenant, vu qu'on passe à Radio Boréal, en fait, c'est qu'on n'a pas le choix de faire 2 heures. On ne peut pas dépasser ça maintenant. C'est notre case horaire. C'est le jeudi de 18h à 20h qui est présenté le show à radio. OK. Fait qu'ils nous ont dit, dépassez pas ça, s'il vous plaît. Fait que là, on s'est dit, OK. Mais là, on s'est demandé aussi, ouais, mais est-ce qu'on a assez de contenu pour faire 2 heures? Est-ce que c'est assez intéressant? Puis hier, notre nouvelle formule de podcast, mais je pense que ça va nous le donner. Puis tu vois, hier, on a fait 1h57. Fait que, tu sais, C'est pas loin du 2 heures. c'est ça, nous autres, on voulait rentrer dans 2 heures. Tu sais, des podcasts de 4h30, comme qu'on a fait le dernier sur Mike Gamers. On verra plus ça, à moins de faire un podcast, mettons, en 2 parties, comme qu'on a décidé de faire, là. Ouais. Ça, on verra. On va peut-être faire un marathon de 6 heures à un moment donné. Ben Moi, c'est le fun, c'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu manques de contenu, puis à un moment donné, tu parles en chum, tu sais, plus que de donner du contenu. Moi, j'aime ça, mais il y a peut-être du monde qui aime ça, avoir du contenu, puis quand ça commence à déraper plus dans le personnel, il aime peut-être moins ça. Puis surtout à radio, ça s'applique peut-être moins, là. Ben, tu sais, tu parlais tantôt qu'on a du monde qui nous suit depuis le début. Oui, c'est vrai, sauf que je pense que ce que le monde aime de notre podcast, en fait, c'est qu'on n'a pas changé rien. Tu sais, moi, ce que vous entendez, ma grand-gueule, finalement, je suis de même dans la vraie vie, tu sais, avec du monde que je connais, avec du monde que je connais pas, je suis super gêné. Fait que, tu sais, de faire un podcast, de faire mes vidéos que je fais aussi, au début, j'étais super gêné. C'est sûr que là, ça fait 2 ans que je fais ça. Fait que la première année, c'était assez difficile parce que je pensais continuellement qu'il y avait une caméra devant moi. Je pensais continuellement que le monde nous écoutait en direct. Puis, tu sais, c'était pas facile. Mais depuis un an, j'ai pris de l'assurance. Puis bon, je pense même plus à ces détails-là. Quand je fais mes vidéos, j'ai comme l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi. Puis que je jase avec quelqu'un. C'est pour ça que, tu sais, je fais un petit peu d'humour. Je dis des niaiseries des fois dans mes vidéos. Puis, tu sais, le monde, je sais qu'il aime ça parce que ça a l'air moins un peu poigné dans un pain comme. Bienvenue à Découverte du Gamer. Aujourd'hui, tu sais, non, je vois vraiment comme j'avais quelqu'un avant de moi, puis je jasais avec quelqu'un. Fait que, tu sais, sauf que ça, c'est venu tout seul. Mais au début, tu sais, je pensais jamais de faire ça parce que je suis un gars hyper gêné d'habitude. Ouais. Tu vois, si tu m'avais demandé ça l'année passée, de faire une espèce de résumé de ma vie un peu un matin, je ne sais même pas si j'aurais accepté parce que j'étais un gars qui n'aime pas vraiment se dévoiler puis qui est super gêné dans la vie. Fait que. Mais bon, je me suis dit, advienne que pourra, là. Au pire, j'aurais descendu pour aller te tordre un bras, tu sais, ou quelque chose de même. Non, mais. Fait qu'on va aller un petit peu là. On a couvert un peu Facteur Geek. On reviendra peut-être un peu là-dessus quand on va tomber là dans ton cheminement. Moi, j'aimerais savoir, là, je me suis écrit certaines questions d'avance un peu, là, mais j'aimerais ça que tu te présentes un peu au monde que te connaissent, bon, depuis que tu fais du podcast, là. Mais t'en es arrivé comment à ça? Je veux dire, ton passé de gamer, c'est quoi? Ça recule à quand? Ça a été quoi ta première console, tes premiers jeux? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre à toi? Et toi, tu veux vraiment le savoir? Ben, c'est sûr, Ça sinon je fait t'aurais pas appelé un longtemps. matin. Ça fait longtemps. Hey, écoute, ça me rajeunirait pas ça non plus. Première fois que j'ai vu un semblant de jeu vidéo dans mes mains, c'est j'avais 6 ans. Écoute, c'est en 81, donc ça fait très longtemps. L'été, mes parents s'en allaient toujours 2 ou 3 semaines en vacances, puis et on se faisait garder, moi et mon frère, chez des amis de mes parents. Puis dans cette famille-là, il y avait deux gars, donc à peu près de notre âge, fait que ça fitait. Puis à un moment donné, bon, je suis rentré dans la chambre de dans le fond, de mon ami, en fait. Puis il y avait un Commodore VIC-20. Oh. Tu sais, l'espèce d'ordinateur, fallait-tu mettre une cassette dedans, puis tu programmes le code à l'écran, puis ça, c'était à longtemps, là, puis à un moment Ouais, donné, tu commençais à jouer, là. j'ai pas eu de VIC-20, j'ai eu un Commodore 64, moi. Fait que Ouais, c'est à peu près la même chose, mais le VIC-20, c'était comme l'ancêtre. c'est ça. Moi, j'ai commencé avec ça, puis là, waouh, hey, c'est le fun! Ouais, mais c'était long, par exemple, avant de commencer à jouer. Après ça, il y a eu le Commodore 64. Ensuite de ça, il y a eu Amiga. Après ça a été bon, l'affaire des Atari, Intellivision, Coleco. Ça, j'ai tout eu ça. J'ai quand même été chanceux dans ma vie, là. Ensuite de ça, je me souviens en 86, quand le Nintendo est sorti. Bon, c'est ta première année parce qu'à chaque année, on allait aux États-Unis à peu près 3 semaines en vacances l'été. Puis ça donnait bien parce que dans ce temps-là, il y a une boutique à Trois-Rivières, parce que j'étais originaire de Trois-Rivières, qui venait d'ouvrir les jeux vidéo. Puis en même temps, le Flash Magazine, le magazine de Nintendo sur les jeux vidéo, était en kiosque aussi, que j'achetais à chaque fois qu'il sortait. Puis bon, ça c'était le fun, il y avait des trucs, il y avait des résumés de jeux, tout ça. Puis il était en français, parce qu'on Ouais. s'entend qu'à 7-8 ans, là, on s'entend que le français, que l'anglais. Ouais, c'est un peu plus difficile. Ben c'est ça. Fait que là, j'ai ramassé un peu mon argent, je travaillais aux fraises un peu, puis bon. Petit job de même. Là. Quand t'es jeune, tu fais ce que t'as à faire, t'as un peu d'argent. Puis bon, je voyais le prix. Je me disais, ouais, on s'en va aux États-Unis, il y a Nintendo, 150 $, c'est un peu cher. Est-ce que je prends mon argent des 2 semaines de vacances, puis je le mets là-dedans? Ou si tu savais, mon gars, le succès que ça a eu, parce qu'on était à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, dans une espèce de villa. Puis là, quand j'ai sorti mon Nintendo en dessous de l'auvent, j'ai branché ça sur la télé, j'ai acheté Best Buy Star, il y avait Mario qui venait avec, puis j'ai acheté Punch-Out. Si tu savais le hype que ça a créé, tous les petits jeunes du camping sont tous venus voir ça. Wow! It's a Nintendo! Moi, je comprenais qu'est-ce qu'ils disaient, mais j'avais même du fun pareil, là. Mais entre-temps, aussi, à mon voyage, j'ai acheté Blade of Steel, j'ai acheté une autre couple de jeux. Puis quand je suis arrivé chez nous à Trois-Rivières, mon retour de mes vacances, je me suis installé, puis sérieusement, c'est même pas une joke, c'est vrai. J'ai joué au Nintendo 24 heures non-stop. Là, mais ça a vraiment commencé là. Je me suis dit, OK, là, j'embarque vraiment. Après ça, ben, il y a eu l'événement de Final Fantasy, le premier, avec mes amis, que j'ai passé des heures innombrables là-dessus. Ensuite, le Super Nintendo. Tu sais, toutes les consoles qu'il y a eu, je pense, je les ai toutes eues. Là. Je fais le tour, là. Nintendo, Super Nintendo. La télévision. Ouais, c'est ça, j'ai dit tantôt, à télévision, La télévision. Coleco, je les ai eues. Atari, Atari 2600, Atari Jaguar. Après Super Nintendo, il y a eu quoi? Il y a eu La 64, le Nintendo Nintendo 64. 64. En même temps, j'ai acheté Nintendo 64, j'ai acheté le PlayStation 1. Ouais, qui a révolutionné pas mal le monde de la console de jeux vidéo. Ouais, sauf qu'en dernier, ma PlayStation, je suis obligé de la mettre à l'envers et qu'elle lise les disques. C'était bien drôle. Puis le PlayStation, ben, il y a deux consoles qui ont sorti un peu comme le PlayStation 2 et 3. Dans le fond, le Slim, là, il y avait le PlayStation 1 puis le Ouais, PS1. le PS1, c'était l'espèce de blanc plus arrondi, là. C'est celui-là, le Oui, PS1? exactement. Le petit, dans le fond, le petit modèle de la PlayStation 1. Ouais. Puis je pense que c'est cette console-là qui est arrivée, les deux joysticks de la manette, au lieu d'avoir juste un D-pad. C'est-tu la fin de la PlayStation 1 ou l'avènement de la PS1? En tout cas, mais je sais qu'au départ, la PS1 était offerte avec seulement une manette avec un D-pad, pas de joystick. Ouais. Ah oui, c'est hey, vrai. Hey, j'ai plein d'anecdotes, là. C'est... Et vas-y, on est là pour ça. Je me souviens, écoute, la seule console que j'ai jamais entre les mains, c'est la CGI de Philips, qui était vendue uniquement au Japon, ou presque, puis elle était à 800 $, puis elle est encore à ce prix-là, ils n'ont jamais baissé le prix. Mais chez nous, j'ai une 3DO de Panasonic avant qu'il fasse faillite. Ensuite de ça, je me souviens, à un moment donné, je pense que j'étais au secondaire, je crois, puis il y avait encore des Radio Shack dans ce temps-là, avant que ça devienne la source. Ouais, mais ça fait pas si longtemps que ça que les Radio Shack existent plus. Ça fait peut-être quoi, 5-6 ans, Ouais, mais tu peut-être? sais, dans le temps qu'il y avait des distributions aux consommateurs, Non, ouais, ça je me rappelle. Puis tu Puis. regardais tes cassettes dans le catalogue avant de les acheter. Puis là, t'avais 50$ pour t'acheter une cassette. Puis tu y allais par l'image dans le catalogue. C'était à peu près ça, Ah, effectivement. ça, là, c'était. Ouais. Je trouve ça drôle. Puis c'est une petite anecdote. Là, je parlais de ça l'autre jour avec ma femme. Mon gars, il a 5 ans. Il va avoir 6 ans. Il aurait jamais connu ça, lui. Tu sais, prendre une chance pour quelque chose puis d'être pris avec, là, c'est, à Star, t'as des démos, t'as beaucoup de jeux qui ont pas de démos, mais la plupart des gens ont des démos, tu peux au moins essayer, voir ce que ça a l'air. T'as des vidéos sur YouTube, tu peux te faire une idée. Dans ce temps-là, c'était des magazines que tu achetais, puis souvent le jeu était sorti depuis 1 ou 2 mois avant que le magazine avec les informations pour t'aider sortait, ou que tu puisses avoir une critique dans l'IGN ou dans un magazine quelconque qui te donnait de l'information. Puis souvent, si tu voulais un magazine français, c'était des magazines d'Europe, puis des affaires comme ça, tu sais. Puis t'arrivais chez distribution au consommateur, tu regardais tout ce que t'avais sur une photo de la pochette dans le catalogue, puis là c'était marqué 44,95 en bas, puis là fallait que tu choisisses quel 44,95 que t'achetais, puis t'avais aucune idée dans quoi tu t'embarquais. Ah, exactement. Puis, en tout cas, moi, mon école secondaire était à côté d'un centre d'achat. Fait que ça, du midi où tu penses qu'on s'en allait. Hein. Distribution au Puis, consommateur. ouais, puis il y avait aussi un Radio Shack. Puis, à un moment donné, je me suis adonné à passer devant un kiosque qui avait une Turbo Graphics 16. Ouais. Avec Altered Beast dedans. OK, ouais. Là, on check à ça. Attends une minute, là. Et où la cassette? On ne catchait pas. Fait qu'on a demandé au vendeur. Il nous a dit non, c'est juste comme des petites disquettes ben même. C'est ben hot! J'en veux un! Finalement, je l'ai eu, mais plus tard, beaucoup plus tard. Ben, là, présentement, j'en ai une chez moi aussi. Okay. Mais c'est ça. Donc, quand on a vu ça, je l'ai acheté. Puis bon, c'est sûr que c'est une console, je pense, que j'ai utilisé le moins parce que il n'y a pas vraiment de jeux super intéressants à cette console-là. Elle n'a pas levé beaucoup non plus. Non, c'est ça. T'sais. Puis au début, t'as quand même assez cher. Puis par après, attends un peu. Là, PlayStation. Après ça, j'ai eu PlayStation 2. Après ça, j'ai eu la Xbox. Xbox, avec ça, j'ai découvert Halo, justement. C'est un peu là parce que, tu sais, oui, les jeux de shooter, j'aimais ça, mais tu sais, c'était plus sur PC que ça se passait dans ma tête. Ouais, c'est pas évident sur console. C'est ça. Fait que là, tu sais, avec Nintendo 64, il y avait GoldenEye. Mais tu sais, dans ce temps-là, ça s'était à peu près à ça. Il y avait ça, puis il y avait Perfect Dark, tu sais. Ouais. Après ça, c'est là que c'est arrivé le premier Halo, puis là, tout le monde a trippé, le premier Call of Duty, puis là, c'est vraiment, tu sais. Sauf que moi, avant, j'ai commencé à jouer sur PC, des shooters, tu sais. Halo, il était disponible aussi sur PC, fait que... Sauf que là, tu me dirais, mettons, est-ce que tu veux jouer, mettons, à Call of Duty sur PC? Ben, maintenant, je sais pas si c'est parce que c'est la proximité de la manette ou quoi, que les boutons sont tout bien placés, puis mon cerveau, ben, il a vieilli, puis il a mal évolué, peut-être. Mais j'aurais plus de difficultés à jouer avec un PC. Puis je sais que c'est plus facile parce que tu peux faire des headshots continus avec une souris. Là. Ouais. Mais maintenant, je suis tellement habitué qu'il y a une manette, que tous mes jeux de jeux de tir, j'ai fini tout sur console. C'est peut-être parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué sur PC, mais bon. Ben, c'est une question d'habitude, je sais. Ouais, c'est sûr, certain, si tu es capable, si tu as un PC qui est capable de rouler, tes jeux vont toujours être pour l'instant, là, parce qu'on arrive à la fin de vie des consoles présentes. Les graphiques sont plus beaux, t'es plus... avec ta souris, c'est plus précis, ton clavier, pis tes choses comme ça. Mais ça reste que, pour moi, une console, ça a un feeling différent. C'est, t'as juste ta manette dans les mains, t'as pas besoin de te casser la tête avec le clavier, la souris, te rapprocher de ton écran, ou une console, tu peux t'effoirer dans ton Lazy Boy, puis tu joues, puis t'as rien d'autre à penser qu'avoir ta manette dans tes mains. Tous tes boutons sont là. Ouais, puis ton jeu, quand tu mets la console, t'as l'impression qu'il va marcher. T'es pas obligé de dire est-ce que la carte graphique va être capable de le prendre? Est-ce que mon processeur est assez fort? Que... C'est ça. On va descendre la qualité graphique parce que je trouve ça lag un peu. T'sais, ou une console, tu mets ça dedans, tu le sais que c'est fait pour cette machine-là, puis ça roule. Exactement, c'est ça. Fait que c'est un peu comme un Mac. T'sais, un Mac, je veux dire, le monde dit, ouais, mais tu payes plus cher, mais t'es pas mal sûr que tout ce que t'achètes pour ton Mac, ça va fonctionner. T'as pas besoin de te regarder en arrière de la boîte, c'est quoi les specs. T'sais, en autant que t'as un Mac récent, tu le sais que ça va rouler dessus, puis c'est ouais, tout. Ouais, exactement, c'est fait ça. C'est un peu ça. Mais écoute, si je continue un peu mon historique, ben c'est sûr qu'après ça, je me souviendrai toujours que, bon, OK, je suivais beaucoup le développement de la Xbox 360. Mm-hmm. Et puis, il y avait un magasin pas loin de chez nous, ben, à face de mon ancien travail, qui s'appelait Dimension, qui est plus à Longueuil. Puis, je me souviens que la journée que la Xbox est sortie en novembre 2005, il n'y en avait plus, à nulle part. Tout le monde s'est garagé dessus. Moi, je n'avais réservé une, mais malheureusement, les stocks n'étaient pas là pour accoter les précommandes. Fait que je me souviendrai toujours que le propriétaire est arrivé avec sa Xbox, il avait acheté lui-même. Puis, il voyait, tu sais, mon désarroi un peu, j'étais pas très content. Ben, j'étais un peu déçu parce que pas content. En fond, c'était pas de leur faute. C'était Solutions to Go qui fournissait les consoles, puis il n'y en avait pas assez. Ouais. Fait qu'il me l'a laissé. T'sais. OK. Ben, c'est gentil. Fait que j'ai peut-être été, un mois et demi après, j'ai eu mon premier Red Ring of Death. Mais dans ce temps-là, on connaissait pas ça. J'ai peut-être le premier au Québec à l'avoir. Puis, tu sais, Microsoft, il est au courant du problème, sauf que quand j'ai appelé, il n'a pas l'air de savoir de quoi je parlais, mais bon. Puis, dans ce temps-là, c'était pas une refurbished, qu'on appelle ça, c'était vraiment, il était changé pour une neuve. Ouais. Ça a Ah, été parce le. qu'il n'y en avait pas. Puis, il savait pas comment régler le problème nécessairement. Ben, il savait, parce que quand ils ont mis la console sur le marché, il était au courant qu'il y avait un problème. Non, ils l'ont sorti Ah, oh, ouais. trop vite pour faire de l'argent pour le temps des fêtes, ces choses-là, là, c'est C'est sûr. ça. Puis moi, je continue à dire, malgré ce que le monde en pense, que s'il avait inclus le HD DVD directement dans la console, on parlerait même pas du Blu-ray aujourd'hui, parce qu'il y avait un an d'avance sur Sony pour ça. Oh oui. Puis la plupart des grosses compagnies avaient déjà signé avec le HD DVD, non le Blu-ray. Fait que donc. Sauf que Microsoft, ils ont mal fait leur move pour ça. Mais bon, ça c'est ce qu'on fait, c'est comme ça. Puis bon, fait que c'est ça, j'ai promis Red Ring of Death. Puis par après, par contre, que ce soit avec la Wii, la PS3, la Xbox, j'ai jamais eu de problème avec mes consoles. Ah, moi, j'ai eu ma Xbox originale, celle qui datait de 2006, je pense que j'ai acheté en 2006. Elle est morte avec un Red Ring of Death. Okay. Microsoft me l'a remplacé pour une refurbish, puis depuis ce temps-là, j'ai eu zéro problème avec toutes mes autres consoles. J'ai Faut une dire vieille PS3, puis j'ai pas de trouble avec à date. que j'ai changé pas mal parce que tu sais moi je suis un collectionneur, je pense que tu le sais. Ouais, on Puis sait que écoute, t'aimes ça. j'ai eu la première Xbox, par la suite ils m'ont envoyé une autre, je l'ai vendue parce que le disque dur était pas vraiment gros. Par la suite, j'ai une Elite noire la journée qui est sortie, Ok, ouais. que j'ai encore d'ailleurs que j'ai serré dernièrement parce que c'est ma Mass Effect, puis bon. Je veux pas la briser non plus. Il commençait à avoir quelques gels fréquents sur la console. Je me suis dit, peut-être en fin de vie finalement. Là, on m'a donné quand même 3-4 ans de bon service. Que je dis, je vais prendre ma Gears of War 3 que j'ai acheté, puis je vais la brancher. Fait que. Puis en Qui est plus plus, neuve. ben surtout, puis tu sais, j'ai un disque dur de plus gros, je pense que c'est 320 Go dedans. Puis bon, Ouais. il y a les nouvelles manettes avec le D-pad qui est plus pogné en pain que tu tournes, puis qui reste juste le D-pad, le reste du pain il descend dans le bas. Ça, c'est super bien pour les jeux de combat. Ouais. Puis entre-temps, ben, j'ai acheté, moi j'étais un fan fini de la série Halo. J'aime la science-fiction, mais Halo, ça vient me chercher vraiment. Puis bon, mais ben, j'ai acheté entre-temps la console Halo Reach, la grise. Ouais, elle est belle. Fait que j'ai comme trois Xbox chez nous, j'ai deux PS3, la première, la FAT qu'on appelle, avec la rétrocompatible de 80 Go. OK, ouais. Ça, je me compte chanceux de l'avoir, parce que j'ai encore la boîte originale, tout ça chez nous, est comme neuve. J'ai la Slim aussi, mais la Slim, je m'en sers pas souvent, dans le fond, je l'ai achetée parce que je suis un collectionneur, parce qu'elle est encore dans sa boîte, je m'en sers plus de ma FAT, parce que je peux lire des jeux de PS2 dessus, pis tout ça, sans problème. Mais c'est sûr que. Tu sais, je lis pas 50 Blu-ray par jour dessus parce que le lecteur n'est pas fait pour lire du Blu-ray. Pour les films, pour les jeux, oui, mais pour les films, c'est une autre affaire. Ouais. Puis ben, j'ai une Wii blanche aussi à sa sortie. Par après, j'ai acheté une Wii noire quand il est sorti. J'ai tout à revendre ça. Je me suis acheté une rouge quand Mario est sorti. Elle est belle en maudit, la Wii rouge. Puis ça, c'est une autre affaire. Des Wii, j'ai jamais eu de problème non plus. Et puis là, t'as pas changé ta rouge pour la bleue qui vient de sortir, non? Y a pas une Là. Ah. bleue qui vient de sortir, hein? Ben moi j'ai pas peut-être au Japon peut-être mais moi j'ai pas vu ça ici en tout cas de Wii Bleu. Ah Il me la fac semble. la kit avec Mario mais je pense pas qu'il y Ouais, il me ait. semble que j'avais vu une Wii bleue, mais ça se peut que, tu sais. Ah c'est bleu franchement. Ben en tout cas Des fois, je rêve en couleur, là, c'est peut-être ça aussi. ben tu vois, je me suis acheté une 3DS à sa sortie, donc à 249. Eh oui, j'ai payé 249 la 3DS. Ah, mais là, t'as eu tes jeux pour le programme ambassadeur, pis tout ça. Ah oui, puis écoute, on peut dire ce qu'on veut sur Nintendo, mais les 10 jeux qu'ils donnaient, les premiers du Nintendo étaient très bons, mais ceux qu'ils ont donné dernièrement pour le c'était quoi, sur le Game Boy, que Zelda Minish Cap, il y a un paquet de jeux dessus qui sont vraiment intéressants. Tu sais, ils étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait. Puis là, ben, écoute, ça me turlupine pas mal, mais ils ont sorti la 3DS version Zelda, puis je pense à revendre celle que j'ai chez nous pour m'acheter celle de Zelda, en fait, avec le petit logo, puis tout ça, elle est noire. Et doré, et noir, ouais, noir avec le Elle logo noir avec le logo. doré. Ah ouais. Puis tu sais, moi j'étais fan de Zelda, justement, j'ai acheté mon billet pour aller voir l'Orchestre symphonique de Zelda, justement, à Montréal au mois de mai. Ouais. Je suis pas aussi fan que Max Tremblay de Zelda. C'est une bonne série. Je suis pas d'accord avec lui parce que je trouve que ça évolue pas dans le sens que je voudrais. Moi, j'aurais aimé ça qu'il continue avec Twilight Princess, un côté un petit peu plus sombre, plus adulte. Sauf qu'avec le dernier, Skyward Sword, j'ai l'impression qu'il retombe un peu dans le créneau, un petit peu enfantin, trop de couleurs vives de Nintendo. Mais c'est parce que ça a été leur créneau longtemps à Nintendo. Pas de sang, pas trop de violence, jeu vraiment familial enfant. Parce que tu regardes, sur le Super Nintendo, quand ils ont sorti le premier Mortal Kombat, c'était pas du sang, c'était comme de la sueur qui revolait quand tu te battais. C'était vraiment, il avait changé toutes les fatalités, il y avait plus rien de violent à l'extrême, tandis que si tu voulais la version originale, c'était la Genesis qui l'avait, tu sais. Fait que ça lui a pris du temps avant de laisser sortir des jeux violents sur leur console, Nintendo. Ah, je suis d'accord, mais c'est juste que, tu sais, c'est qui a fait vivre Nintendo? C'est nous autres depuis 86, puis tu sais, C'est sûr. rendu à notre âge, tu sais, dans la trentaine, mais je me disais qu'à un moment donné, on serait peut-être dû pour un Zelda plus sombre un peu, tu sais, comme Twilight Princess était, mais je perds pas espoir parce que les vidéos qu'ils nous ont présentées au dernier E3 avec Zelda, qui était superbe, ça valait un Zelda, mais en tout cas, il était comme en 3D, là, puis je pense pas qu'il roulait sur la Wii U, je pense plus qu'il roulait peut-être sur une autre console, parce qu'il était vraiment super bien fait, ça avait vraiment l'impression d'un graphisme de cette année, puis il avait l'air un peu plus adulte là-dedans, fait que, tu sais, en tout cas, j'espère qu'ils vont nous présenter quelque chose, parce que c'est pas des mauvais jeux, tu sais, Ocarina of Time, c'est excellent, Skyward Sword, Majora's Mask, Wind Waker, sauf que, on dirait que c'est trop poigné dans le carcan du « Ah, ben, tu sais, c'est un petit enfant, puis il faut présenter le jeu comme étant comme ça », mais bon. À un moment donné, ils vont peut-être changer d'idée. Peut-être, ou qu'ils feront une version plus hardcore, puis une version peut-être plus enfant pour les plus jeunes, puis Ah, c'est faire ça. quelque chose pour gâter le monde qui suivent depuis le début. Exactement. Fait qu'on est rendu dans une nouvelle console, mais moi je veux Ouais. savoir, dans toutes les consoles que tu as eues à vie, ça a été quelle ta préférée là-dedans? Incluant, tu peux aller à la Xbox présente, la PlayStation présente, mais c'est quoi la console qui t'a fait plus triper? Hey, c'est vrai, j'ai oublié de parler d'autres consoles que j'ai eues. Tout ce qui est Sega, je les ai eues aussi. C'est même trop vrai. Sega, Saturn, Genesis, Macro Genesis. Systems, ouais. C'est vrai, on avait sauté ces gars, Ben ouais, c'est vrai, mais mon premier Sega, justement, le Master System, l'espèce de grande boîte rectangle avec Hagen, puis il y avait. Duck Hunt, avec le Non, genre Duck Hunt, de. c'est Nintendo. Mais il y avait un jeu de fusil avec là-dessus. Il n'y avait pas un light gun avec le Sega Master System? Ouais, non, ouais, ben oui, il y avait un fusil, puis je trouve qu'il était mieux fait, il était tout noir, Ouais. comparé au fusil Nintendo, il était gris, là. Ouais. Ouais, il y avait un fusil qui venait avec, il y avait deux manettes avec deux boutons chaque fois, en tout cas, c'était bien rudimentaire, là, mais dans ce temps-là, tu sais, ça a été comme la première guerre des consoles, c'était Sega contre Nintendo, Ah ouais, puis... t'avais Mario d'un bord, puis t'avais Sonic de l'autre, puis t'avais mais Sega avait des jeux plus adultes que Nintendo C'est n'avait dans ce exactement temps-là. ça. Puis moi, j'étais rendu à un moment donné que, tu sais, je préférais plus Sega Nintendo pour les jeux, pour la manette, pour ce que la console apportait. Là, ben, c'est sûr que tu as eu le Sega, le Master System, tu as eu le Sega 16-bit, tu as eu le Sega Genesis, tu as eu le Sega Saturn, tu as eu le Sega avec l'espèce d'œuf dessus, le 32X, Le 32X, tu as eu le Dreamcast. ouais. Puis là, ben, ça a été, après ça a été fini pour ce gars. C'est un dommage un peu, là, mais bon. Maintenant, ils font Ben, rien que des jeux. la Dreamcast se vendait cher, puis en plus, C'est c'est ça. pas elle qui était piratable comme très, Ben, c'est très, parce très que facilement. c'était un CD ordinaire. Fait que, t'sais, c'était super facile d'aller chercher les jeux sur Internet, mais ça, c'était la console, puis il n'y avait pas de système anti-piratage. C'est ça. Fait que c'est un peu pour ça que ça s'est pas vendu, malheureusement. Puis ça les a tués aussi. Mais je te dirais que si sortait la console aujourd'hui, probablement que ça ne resterait pas un problème parce que toutes les consoles sont piratables de toute façon, puis en vendent pareil des jeux en masse. On disait que la mentalité du monde a changé côté jeu. Puis tu sais, les industries du jeu qui disent « Ah, nos jeux sont tout le temps piratés », ben allez faire le tour des magasins parce que des jeux, ils en vendent en tabarouette, là. Ouais, mais ça, il y a des affaires là-dedans. Regarde, moi, je le nommerai pas, là, mais j'ai un de mes chums qui download à peu près tous ces jeux, là. OK. Puis, je veux dire, il m'a, à un moment donné, il m'a apporté deux, trois DVD. Il dit, regarde, il dit ça, ça, c'est Borderlands, ça, c'est Fallout 3, puis ça, il me donne un autre jeu, il dit, gars, il dit, je te donne. Fait que là, moi, je suis pas trop jeu piraté, j'achète mes jeux. Il dit, regarde, moi, ils ont essayé, ils m'ont rien coûté, je les installe, tout. C'est comme un mois après, j'ai été acheter Fallout 3, j'ai été acheter Borderlands sur ma console. J'ai tout acheté les jeux qu'ils m'avaient prêtés. Fait que les compagnies qui disent que le piratage fait juste leur coûter de l'argent, c'est aussi un démo pour certaines personnes, là. Il y a du monde Ben, qui va le télécharger, qui vont l'essayer, puis s'ils l'aiment, ils vont aller l'acheter pareil, le jeu, là. Mais le monde sont tannés de se faire avoir pour des jeux poches qui payent 60$ aussi, là. Faut dire ça. l'autre affaire, je te dirais, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne veulent pas sortir de démo. Donc, mettons, ben sur console, c'est possible. Tu peux le louer, c'est pas grave. C'est bon. Ça va coûter peut-être 3$, puis c'est tout, tu vas peut-être te rendre compte que bon, mais finalement, je vais l'acheter. Je vais donner une chance et j'aime le studio, tout ça, ce qu'ils font. C'est ça. Par contre, sur PC, c'est un peu plus problématique parce que. Tu peux regarder tes specs, mettons, dire OK, bon, mais ça le respecte. Sauf que tu arrives chez vous, ça marche pas. Mais là, t'as pas de démo, t'as rien, tu peux pas essayer le jeu. Fait que là, tu fais quoi? Mais là, t'es prêt avec un jeu qui marche pas. C'est ça parce que tu peux pas le retourner. Ben non, c'est ça, parce qu'il est ouvert, puis les autres vont dire, ah, ben tu l'as piraté, tu viens de nous la revendre, on n'est pas fou, là. Exactement. Mais c'est sûr que moi, je conseille à tout le monde d'aller sur le site Can You Run It, tu mets ça dans Google, puis ça scanne ta machine, puis ça te dit qu'est-ce qui fonctionne pas pour le jeu, tu sais. Ouais, pour la plupart. Moi, tu C'est sais, ça. mon portable que j'ai acheté pour jouer à Star Wars The Old Republic, Can You Run It, n'est pas capable de comprendre là, ma configuration de carte graphique. OK. J'ai une Dual Radeon dedans, une carte Doom, carte de graphique Doom, puis il ne reconnaît pas. Il me dit juste, hop, ta carte graphique, ton processeur est assez fort, t'as assez de mémoire, tout est beau, mais ta carte graphique, je sais pas c'est quoi. Fait que il est pas nécessairement updaté pour ça. Mais fait que ça marche pour la plupart des choses mainstream, là, mais si vous achetez quelque chose qui est sorti la semaine passée, ça se peut que Can You Run It vous donne pas les bons détails. Il y a peut-être du hardware qui n'est pas encore rentré dans leur base de données. Effectivement, je te dirais. Par contre, c'est ça, hier, pendant le podcast, on en est venu à parler à ça, parce qu'on a fait un. Parce que maintenant, au lieu de couvrir l'actualité comme tout le monde fait, maintenant, on va avoir un dossier par semaine, puis on va vraiment en parler en long et en large. Puis je OK. pense que le monde a aimé ça, comme hier, c'était les jeux qu'on attend le plus en 2012. Puis on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup plus qu'on pensait. Ben, en tout cas, de mon côté, parce que comme tu me connais, j'essaie à peu près tout ce qui sort. Ouais. Fait là, on va être obligé de continuer la semaine prochaine le dossier. Mais moi, j'aime cette formule-là. Puis hier, ça, on parlait de Final Fantasy qui s'en vient dans 2 semaines. Puis moi, j'étais un fan de Final Fantasy depuis le premier sur Nintendo, comme je disais tantôt. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y a une démo qui sort la semaine prochaine, mais uniquement sur PS3. Puis tu sais, on se disait, tu sais, des fois, on chiale après les compagnies qui ne sortent pas de démo. Pour les jeux de tir, tu sais, regarde, ceux qui ne sortent pas de démo, je comprends pas parce que c'est pas bien ben dur à faire un démo là-dessus. Mais pour un jeu de rôle, c'est difficile de capter, mettons, l'essence même du jeu dans un jeu de rôle. Parce qu'un jeu qui dure 40 heures, tu vas présenter quoi dans ta démo? Tu Non. vas-tu présenter une phase de combat, une phase exploratoire? Tu fais quoi pour vendre le jeu? Parce que si tu te plantes avec ta démo, T'es le fait. monde, ben c'est ça. Surtout pour un jeu de rôle, tu sais, si tu présentes une démo. Fait que les jeux de rôle, je peux comprendre qu'il n'y a pas vraiment de démo. Il y a des jeux, par exemple, comme de course, tout ça, que je comprends vraiment pas, là, pourquoi ils prennent pas une partie du jeu. Tu sais, c'est comme Deus Ex Human Revolution. Je peux comprendre parce que c'est un jeu qui a tellement de substance que. Qu'est-ce que tu prends dans le jeu? Ouais. Tu fais quoi? Ouais. Mais si je restais surpris, je regardais hier sur Xbox Live, puis il y a une démo pour Mass Effect 2. Ouais, mais t'es arrivé par après. Ouais, mais que même à Tu ça, sais? tu te dis qu'est-ce qu'ils vont montrer pour te. Tu sais, je dis Mass Effect, c'est énorme, là. Je veux dire, c'est 40 heures. Ils vont te montrer quoi du combat? Ils vont te montrer, tu sais, quelle partie? Ça, je peux comprendre ce qu'ils ont fait Mass Effect parce que, dans le fond, ils ont mis plus l'emphase. BioWare ont mis l'emphase plus sur. Le côté combat dans Mass Effect 2 que le côté jeu de rôle, un peu. Ouais, Donc, comme ouais. DLC, ce qui va être le contraire de Mass Effect 3, qui reviennent vraiment à la base comme le 1. Ça, je suis très, très content d'être heureux pour ça. Parce que c'est l'aspect que j'aimais dans Mass Effect. T'sais, BioWare sont reconnus pour tout ce qui est dialogue. Puis justement, ce matin, dans News Express, j'écrivais une nouvelle que BioWare, ils ont battu un record dans le livre de records Guinness, justement, avec les 200 000 dialogues dans Star Wars The Old Republic, les MMO qu'ils ont mis dernièrement disponibles pour tout le monde. Fait que, t'sais, Non, c'est fou le nombre de dialogues qu'ils ont mis, là. ouais. Fait, C'est assez incroyable. T'as c'est pas ça. une quête que tu donnes ou que tu prends qui a pas un dialogue d'au moins une couple de minutes, là, c'est Ben, au vraiment. lieu d'être du text-based, c'est vraiment du monde qui parle. Tu sais, t'as des choix, oui, sauf que le monde, ils disent les choix. C'est pas juste des bulles avec une écriture dedans. Hein. Ouais, c'est assez impressionnant le travail qu'ils ont mis là-dessus. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça, ben, moi, BioWare, tu sais, pour revenir à ce que tu m'as dit tantôt, ma meilleure console, je vais t'en parler, mais, tu sais, mon studio préféré, moi, de loin, c'est BioWare parce que j'y suis depuis le premier Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights, dernièrement, Dragon Age, Mass Effect, Knights of the Old Republic sur le premier Xbox. Tout ce qu'ils ont fait à date, c'est très bon. Bon, c'est sûr que le monde, ils ont un peu chialé de Dragon Age 2. Je peux comprendre l'effet de EA derrière la décision de le sortir trop tôt. Ouais, c'est ça, à un moment donné, c'est pas nécessairement la faute à BioWare. C'était Non, vraiment non. c'était un de leurs premiers titres que EA les avait vraiment rachetés. Puis ils ont poussé à le sortir trop vite. C'était vraiment, d'après moi, c'était la pression de EA qui a dit, garde, vous le sortez là, ce jeu-là, puis il y a pas de discussion là-dessus. Puis... Ben, en fait, EA sont arrivés en même temps que le premier Mass Effect en fin de développement. Après OK. ça, Dragon Age 1, EA était derrière aussi BioWare. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que moi, au Comic-Con, c'est à Montréal, j'ai jasé avec une fille qui travaille chez BioWare. Elle avait un t-shirt de BioWare. J'ai été demandé, est-ce que tu travailles chez BioWare? Elle a dit oui. Je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut parler un peu de Dragon Age 2? Elle dit, ouais, ok. Okay. J'ai fait cracher le morceau un peu subtilement. J'ai demandé, est-ce que vous avez tout ça en arrière parier? Elle dit, ben, honnêtement, je vais te dire, t'as l'air d'être un fan de BioWare. Elle dit, oui, effectivement. Nous, on voulait pas le sortir. Puis finalement, ils ont dit, ah, il faut le sortir absolument là. C'est le temps de vendre. Fait que, après ça, j'ai dit, est-ce qu'on peut s'attendre au même traitement pour Dragon Age 3 puis Mass Effect 3? Elle dit, t'es un malade, toi. On a des plus aux fans, puis nous autres, c'est pas notre philosophie, on veut jamais refaire ça. C'est pour ça, dans le fond, que Mass Effect, tu sais, ils voulaient qu'ils sortent avant Noël, là. Ouais. Puis Mass Effect, ils sont juste au mois de mars, parce que justement, ils étaient pas parfaits, ils ont des affaires, tu sais, surtout avec l'implémentation de la Kinect, moi, avec le langage, ça va être vraiment cool. Fait que, tu sais, c'est des rajouts de plus. Puis, tu sais, BioWare, le monde a chialé un peu quand ils ont annoncé le multijoueur pour Mass Effect, l'implémentation de la Kinect. Mais BioWare, ils font jamais rien pour rien. Fait que, tu sais, avec l'implémentation de la Kinect, je pense que ça va être bien. Puis surtout que là, enfin, it's about time, après 2 ans que le monde il chialait que « Ah, mais reconnaissance vocale en français, ça se fait pas. » Il est à peu près temps qu'ils l'ont fait dernièrement, là. Ça, c'est ouais. Vraiment le fun. Je sais pas si tu l'as essayé, mais ouais, Xbox, tout ça, avec la voix, c'est un petit plus, là, dans le fond. Avec le dernier dashboard, mais moi, je suis pas capable de l'allumer. Je suis capable de l'éteindre, mais l'allumer avec la voix, moi, ça fonctionne pas, là. Ben moi non plus, ça quand elle est allumée, par exemple, tu sais, mettons, bon, mais là, c'est marqué en bas, conseil, dites Xbox. Fait que là, tu fais, mettons, Xbox, ouvrir le lecteur. Là, je viens de le faire, permis d'ouvrir. Ouais, c'est ça. Parce que ma Xbox est ouverte. Non, c'est le fun, c'est un plus. Ouais, j'ai trouvé ça amusant de l'autre jour, Xbox, puis tu donnes des commandes, puis Xbox, jeu, là, il t'amène à l'onglet jeu, puis tu sais, c'est vraiment, c'est un plus, là, regarde, c'est vraiment le fun, ce qu'ils font avec la console, là. Ben, c'est ça. Je veux pas passer pour un fanboy fini de Xbox, là. Mais écoute, la première, tu m'as demandé ma console préférée, ça fait longtemps, là, mais en tout cas, on revient à ça. Boy. J'ai tellement passé d'heures. J'hésite entre le premier Nintendo puis le premier Xbox. Parce que le premier Xbox, c'est là que tu sais vraiment que j'ai découvert ma passion pour les jeux vidéo, que je savais que je continuerais, là, solide, là. Puis tu sais. Boy. Elle a sonné comme les nouvelles consoles, tu sais, la nouvelle génération de consoles, c'est la Xbox pas mal qui a démocratisé ça. Puis en plus, c'était Microsoft, c'est une grosse compagnie qui est en arrière de ça. Sony, c'est gros, là, mais Microsoft, c'était une compagnie qui avait aucune business dans le jeu de console avant, puis ils ont sorti ça. C'est ça. Puis je te dirais que, tu sais, quand la Xbox est arrivée, mais premièrement, le mode en ligne était superbe comparé au PS2, que ça n'a jamais été très fort. Ouais, c'est vrai. Ensuite, ça, la console avait un disque dur. L'avantage que le PS2 avait pas, à part si tu achetais Final Fantasy, qui a un disque dur qui venait avec, mais si tu fais juste t'en servir pour jouer à Final Fantasy. Fait que, sinon, tu sais, Halo, le premier Halo, ben ça, tu sais, c'est comme ça a été la consécration pour moi, là. Ouais. Tu sais, il n'y a jamais vraiment un jeu sur PS2 qui m'a allumé autant que le premier Halo, puis Halo 2. Puis toute la section sport de Xbox aussi, qui avait XSN Sport, il y avait les jeux de course Rally Sports Challenge, qui était excellent, cette série-là. Knights of the Old Republic, qui était excellent, les deux. Baldur's Gate, qui ont fait sur console, qui sont très bons aussi. Tu sais, la PS2, il y avait beaucoup de jeux. Il y avait comme le triple, sinon le quadruple de la collection d'Xbox, mais là-dessus, ouais. T'en avais la moitié, que c'était un petit peu de la crap, un peu, là, tu sais. Bon, ouais, c'est ça. C'était plate, là, fait que... C'est un peu ce qui a commencé à faire peur au monde aussi, c'est qu'à un moment donné, juste pour sortir un jeu, ils sortent un jeu, puis c'était n'importe quoi, là. Mais ça fait des années que ça se fait. Je veux dire, je me rappelle, j'avais mon Commodore 64, puis mon Atari ST, puis ils sortaient de la cochonnerie, là, c'était incroyable, là. Mais ils prenaient les gamers pour des valises dans ce temps-là. C'était, de toute façon, ils peuvent pas l'essayer avant de l'acheter. Fait que tu... Ah, c'est ça. Tu sais, le monde, il chiale sur les prix des jeux. Ils sont à 49 ou 59. Je me souviens d'un certain titre. Moi, je pense que c'était Madden 95. Attends un peu. Sega Genesis, ça a terminé quand? Boy, attends, j'ai comme un blast solide, là. C'était-tu Madden 95? Ah, en tout cas, je me souviens qu'on avait une boutique à Trois-Rivières, mais c'était qu'à la Madden avant que ça devienne fusionné, là. Ouais. Puis j'avais acheté justement un jeu de football sur la Sega Genesis. Puis ce jeu-là m'avait coûté 49,99. Ça fait quand même assez longtemps, là. Je veux dire, ouais, c'est ça. C'était Madden NFL 95 sur Sega Genesis. Puis il était à 49,99. Puis dans ce temps-là, on s'entend que, tu sais, bon, les graphismes, tout ça, c'était pas top, là. Puis bon, tu vois, tu connais un peu les joueurs, mais c'est tout, là, je veux dire. Ouais, moi, je l'avais acheté parce que je voulais jouer à un jeu de football, puis bon. Mais, tu sais, c'est ça. Dans ce temps-là, le prix, c'était à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Puis le monde, les chiottes, c'est trop cher. je peux comprendre. Sauf que, tu sais, les jeux, il y avait autant de bugs dans ce temps-là. C'est juste que quand tu étais plus jeune, tu t'en aperçois moins. Tu étais là pour t'amuser. Maintenant, tu as un sens plus critique, tu as un jugement développé. Fait que, tu vois que la compagnie essaie de faire de quoi, mais bon, ça donne pas toujours les résultats. Sur papier, c'est toujours le fun, mais par après, c'est une autre affaire. Mais on a le don de s'attendre à la perfection aussi. Puis... Ben, c'est ça, mais il n'y aura jamais un jeu parfait, tant qu'à moi. Comparé à d'autres styles, peut-être, mais tu sais, c'est comme un jeu ouvert, à monde ouvert, open world, ou bac à sable, ou sandbox, ou appelle ça comme tu veux. Mm-hmm. C'est très, tu sais, le monde chiant. Ah, mais toi, Skyrim, il y a des bugs de texture, puis de collision. Ouais, mais c'est un jeu ouvert. Ils peuvent pas tout corriger les bugs, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Non, c'est difficile, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, tu le prends pour qu'est-ce qu'est le jeu, tu sais. C'est comme, il y a beaucoup de monde qui me reproche. Ouais, mais tu sais, Dominique, l'effet graphisme en 2011, c'est super important pour un jeu. Ben, moi, quand je fais une critique de jeu, c'est pour ça, ben, souvent, le monde dit, t'es pas assez sévère. Ça dépend, parce que moi, l'aspect que je regarde quasiment en dernier, c'est le graphisme. À moins qu'il affecte la jouabilité. Ça, c'est une autre affaire, là. Mais moi, ce qui est important pour le graphisme, mettons un jeu de rôle. Moi, c'est l'histoire en premier qui prime, là. Le graphisme, il vient, c'est secondaire, je m'en fous, là. C'est ça. En autant que c'est regardable, là, faut pas que ça soit pixelisé à l'œuf, là, mais en autant ça. Que c'est joli à regarder, là. C'est pas obligé d'être photoréaliste, là. Ah non, tu regardes la Wii, tout le monde bâche sur la Wii, puis je sais pas pourquoi. Parce que le monde, il associe la Wii, ouais, mais il y a juste des jeux faits par Nintendo qui sont bons sur la Wii. C'est pas vrai. Il y a plein de bons jeux sur la Wii, il faut juste les découvrir. Ouais, c'est sûr que c'est une télé HD, c'est pas super beau, là. Même si j'ai un câble component qui est fait pour la Wii, sauf que, tu sais, il y a des jeux. C'est sûr que les jeux de Mario, Super Galaxy, Super Mario Bros. Sur la Wii, Donkey Kong Country Return, ça sort super bien en HD. Ouais, c'est parce que là, tu parles que le développeur est aussi la compagnie qui a fait la console, là. C'est ça, exactement. Je veux dire, ils connaissent la console de fond en comble, c'est eux autres qui l'ont faite. Tandis que quand tu parles à un third party, ben lui, il apprend à connaître la console, c'est différent, là. Mais moi, je dis quand même de donner un bon essai parce qu'il y a des très bons jeux qui sont méconnus sur la Wii, malheureusement, puis le monde passe à côté parce qu'il suffit juste à Xbox 360, PS3, parce que ça fait du HD, mais à un moment donné, il faut revenir, il n'y a pas juste du HD dans le monde. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses dans le jeu vidéo. Là, tu sais, je veux dire, prochaine étape, là, ils ont fait le 3D, ça va être quoi, l'hologramme? Tu sais, tu vas jouer l'hologramme dans ton salon devant toi, je sais pas, mais... Ouais, ben, il y a des limites à vouloir aussi tout chambarder. Là. Ah ouais, parce que moi... J'ai on le fait avec le 3D, là. Ah, non. Ça, moi non plus, j'ai pas de télé 3D ici, puis ça, j'ai pas l'intention d'en rentrer une non plus. La seule fois que j'ai 3D chez nous, présentement, c'est mon laptop Alienware, qu'en le commandant, il a envoyé un kit 3D avec, des lunettes, puis tout ça. Okay. Fait que tout ce qui est jeu PC ou à peu près, dans le fond, je peux installer mon kit 3D, puis pouvoir le voir en 3D. Comme il y a la Seigneur des Anneaux, la bataille de la Terre du Milieu 2, qui fait assez longtemps qu'il est sorti. Je te le vois dans la liste, puis il était compatible. Fait que je l'ai essayé en 3D, puis ça faisait vraiment ressortir les villages. Mais tu sais, on s'entend que le 3D dans un écran d'ordinateur, c'est pas comme à la télé de 3000$. Là. C'est l'effet de profondeur, un peu comme la 3DS, ça nous donne de Nintendo. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est le meilleur aspect pour la 3D, c'est l'aspect de profondeur. Parce que le 3D qui ressort, à un moment donné, pour un film dans une TV, ça peut être pas pire. Mais moi, tant qu'ils me vendront pas du 3D sans lunettes, je vais absolument rien savoir de ça. Mm-hmm. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime l'effet de profondeur dans un film. Un peu comme Tintin, t'as été le voir, Tintin. Ouais, ben oui. C'est plus de l'effet de profondeur que du « je te pitch des affaires d'en face ». Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, le « je te pitch des affaires d'en face », c'est impressionnant. Mais à un moment donné, ça vient comme « ok, ah, un bâton qui sort de l'écran. Ah, un épée qui sort de l'écran. Ah, tu me pitches une boule de neige d'en face. » Tu sais, c'est comme ça vient redondant, là, à un moment donné. Ouais, ben, c'est ça. Tandis que la profondeur, ça te donne l'impression de grandeur de l'espace plus que de te faire mettre des affaires en face. Puis moi, l'avènement des films, tu sais, des vieux films, mettons, qui font en Blu-ray, c'est correct. On s'entend que c'est pas le film au complet qui est en Blu-ray, c'est certaines séquences, là, parce que ça coûterait trop cher à faire le film en Blu-ray, mais ça a même affaire avec le 3D, je veux dire, le 3D qui nous envoie au cinéma, par après, en film, c'est correct, s'il sort, c'est la première fois. Mais qu'ils prennent des vieux films qu'ils refont en 3D, c'est assez ordinaire, là. Fait que, tu sais, Tintin, un film d'animation, ça passe bien. Transformer passait bien. Tron, il était fait pour le 3D. Par contre, je m'attendais à mieux parce que quand tu t'assois au cinéma, tu payes le 3,50$ de plus pour avoir le film en 3D, mettons Tron, puis ils vont te dire, ben écoute, la moitié du film ne sera pas en 3D. Mais garde tes lunettes pareilles. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je les enlevais, je me disais, OK, c'est parce que c'est plus beau, pas de lunettes. Mais les passes qui étaient en 3D, t'as vraiment bien fait dans Tron. Mais ça, c'était Oh, très décevant. ouais. Sinon, ben, le premier, ça a été Avatar. Ça, c'est, écoute, Cameron, il a travaillé 4 ans en double 3D. C'est comme lui Non. qui a lancé ça. Ouais. Mais d'un jeu présentement, pour avoir essayé Killzone en 3D, c'est, pfff, non, non, non, Pas non. plus qu'il faut, hein. Oublie ça. Moi, c'est pas fait pour moi, pantoute. Ben, c'est une question d'habitude aussi, puis je suis pas sûr qu'on veut nécessairement s'habituer. T'sais, moi, c'est pas Ben. quelque chose qui m'attire. Jouer à un jeu avec des lunettes dans face, non. Moi, ça m'intéresse pas. Si ça sort sans lunettes, peut-être un jour, là, mais je pense que le 3D va commencer à pogner dans les maisons la journée que ça va venir avec. T'sais, tu vas acheter une télé, puis le 3D va être dedans, puis t'auras pas le choix, puis ça coûtera pas plus cher parce que de toute façon, la technologie est dedans. Je pense que c'est là que ça va commencer à pogner. Je pense pas qu'il va ça va en venir à ça, honnêtement. Moi, je te dirais plus que ce qui va peut-être arriver, c'est que là, premièrement, les télé 3D ils ont baissé de prix, ça n'a pas de bon sens, parce que ça ne s'est pas vendu. Ouais. Parce que si tu prends le comparatif, il y a quelques années, quand il avait sorti les lunettes bleues et rouges, c'est le même principe. Non, oh, oui, c'est la même Fait affaire. que tu sais, ils nous vendent des lunettes à 250 $, mettons, tu as une famille de 4, là. Hey, ça fait 1 000 $ de lunettes, là. On s'entend que des enfants, des fois, ça peut les échapper, ça peut les briser. Exactement, ouais. Ouais, fait que c'est pas toujours, mettons, ta copine, mettons, elle aime pas vraiment le 3D, là. Là, tu vas t'acheter une TV juste pour toi. C'est un Non, peu c'est ça. ordinaire, fait que, c'est pour ça que je trouve que la technologie, non. Vendre ça sans lunettes, je suis d'accord, je vais peut-être embarquer parce que peut-être regarder une game de football en 3D, ça va être assez incroyable, merci. Ouais, ou du hockey, là, mais. Mais pense à ceux qui ont des lunettes, ils sont obligés de mettre des lunettes, là. Tu sais, pas des verres de contact, là. Non, Faut que tu mettes des lunettes par-dessus des lunettes. Hey, wow, beau concept. non, c'est pas quelque chose qui est bien, bien intéressant. Je pense qu'ils sont loin de faire des lunettes pour nous autres, mettons, qu'on voit avec du 3D inclus dedans. Ça. Ben, ça se fait pas, il n'y a pas une compagnie qui en faisait? Ben, personnellement, si ça se fait, je veux rien savoir. Parce que là, moi, c'est la même affaire que, mettons, les compagnies qui essaient de nous vendre des lunettes qu'on porte à tous les jours avec du HD dedans. Non, Ben ouais, oui, le ben ouais. grand. T'sais, ça a La été vie est pas. C'est quoi j'ai acheté l'autre jour? Ma femme m'a rapporté un sudorifique, quelque chose comme ça, puis c'est marqué 3D dessus, quelque chose de Ouais. même. Je veux dire, regarde. À mon ancien travail, ça rendait un buzzword. T'sais, il y avait du Crest 3D, il y avait du vernis à ongles 3D. C'est quand même Non, amené, ouais. là. Ben, un moment donné, ils ont sorti le Crest HD, je pense, là, pour la porte à dents HD, Ah puis des ouais, affaires. c'est ça, Je veux dire, exact. regarde, c'est des mots qui essayent d'attirer le Ouais. public à acheter ça avec ça. Je veux dire, Mais c'est. la paix, c'est que ça marche, c'est ça le problème. Bon, oui, mais c'est totalement cave, là. Je veux dire, Ouais. la vie. Tu vois en HD, quand tu regardes le monde, je veux dire, c'est de la haute définition. Je veux dire, tes yeux voient la réalité comme c'est là. C'est pas compressé comme un film à la TV, là. T'as pas besoin d'HD dans la vie de tous les jours, là. Ah, effectivement. Fait qu'on va continuer. C'était quoi avant qu'on prenne une chire incroyable? C'est quoi ta console préférée? Mais moi, je te dirais, t'as deux maudits bons choix avec la première NES puis la Xbox. Parce que la première NES, c'est vraiment elle qui a apporté le jeu vidéo à la maison. Puis le jeu vidéo qui avait de l'allure, là. Je veux dire, c'était pas super beau, mais je me rappelle, moi, quand j'ai eu mon premier NES à Noël, quand j'étais petit, hey, Super Mario Brothers, c'était-tu assez beau? Ça l'était pas, là, à comparer des jeux d'aujourd'hui, mais c'était beau dans ce temps-là, là. Écoute, je vais te dire une chose, OK? Je vais peut-être y aller avec la Xbox parce que tu vas comprendre pourquoi. Parce que la première Nintendo, j'ai passé des heures incroyables. Sauf que quand t'es jeune, tu te définis pas en tant que personne encore. T'sais, Ouais, tu c'est forges sûr. ton caractère, tu forges ta personnalité, mais tu sais pas vraiment ce que tu t'en vas dans la vie. Puis bon. Quand je suis parti de Trois-Rivières, je me suis emmené à Longueuil, il y a 10 ans, je jouais, mais à temps perdu. Okay, puis bon, j'avais des consoles, oui, mais tu sais, bon, je les ai amenées avec moi, mais tu sais, je jouais pas plus que ça. J'ai comme une période de ma vie, un 3-4 ans, que, mettons, le début de la PS2, puis la Xbox, mettons, j'ai comme délaissé un peu le gaming. La Xbox, je l'ai découvert sur le tard, je l'ai pas acheté en 2001 quand elle est sortie, en fait. J'ai acheté la PS2 avant, avec Grand Theft Auto, Vice City, des affaires comme ça, là. À partir de là, quand j'ai acheté ma première Xbox, puis Halo, tu sais, je connaissais ça un peu, mais tu sais, là, je me suis atteint un peu, là. Il y a quelque chose il y a comme un déclic qui s'est fait dans ma vie. Parce que PS2, je pouvais jouer, mais tu sais, je pouvais être 5-6 jours à pas jouer, puis ça dérangeait pas. Mais à partir que j'ai une Xbox dans les mains, l'effet de la manette, qui est pas la grosse Bertha, mais la S-Controller qui ont fait le plus petit, là, je me suis atteint un peu, là, je tiens quelque chose entre les mains d'intéressant. Puis Si j'ai pas passé 200 heures sur ESPN NFL 2K5, qui est pour moi le jeu qui est sorti en 2004, le jeu de sport le meilleur de tous les temps. OK. Écoute, regarde, j'ai passé tellement d'heures sur ce jeu, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que, moi, je te dirais, pour la période que j'étais jeune, la Nintendo, mais pour la période que je me suis défini en tant que personne, je te disais que la Xbox, c'est ça qui m'a donné le goût de me rendre où je suis présentement. C'est ça qui m'a donné le goût de jouer tous les jours. C'est ce qui m'a donné le goût de collectionner des consoles, des jeux, etc. D'en Ça, parler, puis c'est ça a ça. déclenché, ça a déclenché la passion que tu as pour les jeux vidéo aujourd'hui. C'est ça. Puis, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'émissions en télé. Il y avait je me souviens d'une émission qu'il y avait à TVA qui s'appelait Cyberclub, qui était vraiment excellente. Mais à part, puis c'est surtout des jeux de PC, la plupart du temps, des logiciels, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, t'avais pas grand-chose. Puis, à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis dit, OK, en 97, j'ai eu mon premier ordinateur. J'étais au cégep, puis ça me prenait quelque chose. Fait que, j'étais allé me chercher ça. Premier compte Internet aussi, puis blablabla. Bon, fait que. Là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, là, le gaming est une partie présente dans ma vie, puis je l'accepte comme ça. Mais je te dirais que c'est encore plus fort depuis que la 360 est sortie, depuis que la PS3 est sortie, parce que on dirait que je puisse rentrer dans le domaine. Je veux dire, tu sais, maintenant, j'ai une émission, je peux en parler, je peux partager ma passion, je suis l'industrie, tu sais, j'ai des contacts. Tu sais, à tous les jours, je vois les nouveautés, les jeux vidéo qui s'en viennent, tout ça. Ce que je faisais pas avec la PS2 et la première Xbox, parce que dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, bon, il y avait une couple d'affaires d'Internet, mais t'as pas plus que ça. Ils sortaient des jeux, mais ils n'en sortaient jamais autant qu'aujourd'hui. Ouais. Puis Ben, l'information est beaucoup plus disponible aussi c'est aujourd'hui qu'elle ça. l'était. Ben, exactement. T'sais, quand c'est pas un ami, c'est une émission de télé. Quand c'est pas une émission de télé, c'est la radio, podcast, Internet, boutique de jeux vidéo. Puis il y en a un paquet, des revues. Fait que c'est plus accessible aujourd'hui. Fait que, mais je te dirais que en tout et partout, je pense que c'est la Xbox qui m'a vraiment donné le goût d'être tout ce que je suis présent. OK. On va passer d'abord à ton le jeu Ah vidéo non, non, non. qui t'a le plus marqué Ah, tu peux pas à faire vie. ça. Tu Ben peux oui, pas faire faut que je te ça. le fasse. C'est dans mes questions que j'ai écrites depuis déjà 2 semaines. Aïe, aïe. Oh, hey, Ça là. peut être dur, hein? T'aimes-tu mieux qu'on commence avec le pire jeu vidéo que t'as jamais joué à vie? Ah non, je vais y aller avec la meilleure. On finira avec la paix. Ah, boy. Écoute. Parce que ça a l'air être Halo qui a déclenché toute ta Ouais, passion. Fait que mais. c'est-tu Halo ton meilleur jeu à vie? Ou Final Fantasy que tu parlais tantôt? Ou c'est. Ah, écoute. Ah, boy. Ah, Ben, je sais que tu es shit. un grand fan de The Witcher. Ça a été ton jeu de l'année pour cette Ouais. année, même si c'est un jeu qui a passé en dessous du radar pour la plupart du monde, parce que c'est pas mainstream vraiment. C'est pas un jeu qui est grand public, là. C'est pas. Écoute, je vais dire une chose. J'oublie pas la période quand j'étais jeune. Il y a eu des excellents jeux. Mais tu sais, dans ce temps-là, bon, tu finis un jeu, tu passes à un autre. Ouais. Puis t'as pas une grande émotion comme qu'on a présentement plus vieux, tu sais, qu'on catch un peu le scénario. Puis tu sais, moi, ce qui est important dans un jeu, c'est l'attachement au personnage. Ouais. Quand après 20 minutes, je suis rentré dans l'histoire, puis je peux pas en sortir, puis c'est comme, tu sais, tu vas travailler, tu reviens, t'as hâte de continuer le jeu, tu sais, t'es rentré vraiment dedans. Je te dirais que avant peut-être Mass Effect, j'avais pas eu cet effet-là. Peut-être que je m'en rendais pas compte, peut-être que je jouais, mais tu sais, peut-être pas intensif comme aujourd'hui. Puis le premier Mass Effect c'était quoi, en quelle année? 2007, je pense. Écoute, ce jeu-là, la première fois que je l'ai loué, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait ça, puis Assassin's Creed était sorti, puis tu sais, bon, Assassin's Creed, je l'avais fait, bon, OK. Bon, c'est Mass Effect. Je mets ça dans la console, j'essaye ça. OK. 2 heures après, je ramène ça au magasin, je dis, il est plate ton jeu, je veux rien savoir. Mais ça fait pas son temps que ça, tu me dis, mais mon sens critique n'était pas aussi développé que présentement. Si j'avais fait une critique dans ces années-là, ça serait pas comme aujourd'hui. Tu sais, je parlerais peut-être de moins d'aspects et tout ça. Fait que, j'ai Bon, on laissé ça appelle de ça côté. évoluer aussi, on évolue dans nos goûts puis dans nos C'est connaissances, là. ça. J'ai peut-être évolué sur le tard, tu vas me dire, mais j'ai quand même évolué. Fait que, là, je me suis dit, attends, là, par après, tu sais, moi, BioWare, je les aimais. Là, je me suis dit, par après, attends un peu. Là, j'adore la science-fiction, j'adore les jeux de rôle. Le dialogue présent, mais ça, faut que je redonne un autre essai. Fait que, un vendredi soir, en sortant de mon travail, à 8 h, je vais chercher le jeu, je l'amène chez nous, je le lis, tu sais. OK. Là, je continue l'histoire. Il était rendu 2 h du matin, 3 h du matin. Ah, même couché. Là, j'étais rentré dans l'histoire. Là, je me suis dit, OK, là, ça commence à être la fin. Là, je comprends. J'aurais dû donner mes essais avec ça. Lendemain matin, 6h30, je me lève. Ben, le matin, en fait, pas le lendemain, c'est la même journée. fait que là, je continue. Samedi, je passe toute la journée au complet. Là, je regarde l'heure. 3h du matin. On me couche encore. 7h, le même matin, je me lève encore. T'as rendu dimanche. À 8h le soir, je finissais le jeu. J'ai passé comme 40 heures sur le jeu, vraiment non-stop, sans arrêt. J'ai juste fait ça de la fin de semaine. Puis, écoute, la fin, j'ai tellement trippé. Tu sais, quand t'es assis dans ton salon et t'as des émotions qui viennent te chercher, là. Mm-hmm. Ce qui est rare pour un jeu vidéo. Normalement, on a ça pour un film ou quelque chose comme ça, là. Mais moi, j'étais vraiment, tu sais, Shepard, là, it's me, là. Tu sais, c'est à moi, là. C'est à mon histoire que je vivais dans le jeu, là. Mm-hmm. Ah, c'est venu te chercher. Ah, comment. Je suis allé se repenser quand j'ai fait le 2, puis là, le 3 qui s'en vient, j'ai des frissons, je savais penser. Tu sais, c'est parce que ça mêle les trois éléments que je préfère dans un jeu vidéo. Ouais. Science-fiction, jeu de rôle, dialogues sont très importants, les décisions que tu as à prendre y influent dans le jeu. Mm-hmm. Les quêtes sur le côté, les quêtes secondaires, en fait. Ouais. Écoute, ça aussi, parce que le monde que je joue à des jeux de rôle, malheureusement, je me souviendrai toujours aux dimensions, justement. Personne n'achète Fable 2, elle l'amène la journée d'après. Elle dit, oh, il est pas bon ton jeu, il fait 10 heures, je l'ai fini. Je regarde le gars, je dis, Fable 2 en 10 heures. Tu me niaises? Non, je fais la quête principale. OK. Tu as payé 60$ pour faire juste la quête principale d'un jeu de rôle. Tu te rends compte que tu passes à côté de 80% du jeu que les quêtes secondaires que tu fais pas. Ouais, ça m'intéresse pas. Ben achète pas ça. Pas les jeux de rôle d'abord, mais c'est ça. Mass Effect, c'est ça qui est le fun. C'est que tes quêtes secondaires, ben, sont. Moi, j'ai trouvé la fun en tout cas dans le jeu. Ouais. Puis il faut que tu les fasses parce que sinon, tu passes à côté de la moitié du jeu. Presque la moitié du jeu. Oui, puis je les ai trouvées intéressantes quand même, tu sais, fait que... Puis depuis ça, là, Mass Effect, écoute, j'ai des posters, j'ai des cartes chez nous, j'ai du linge de Mass Effect, j'ai des figurines, j'ai tous les jeux, les éditions de collection, j'ai les guides de Mass Effect, j'ai les bandes dessinées de Mass Effect, j'ai les romans de Mass Effect, fait que, tu sais, j'attends juste le film, là. Ouais, t'as acheté les répliques du Normandie aussi, on a vu ça, là, une semaine ou deux, là. Ouais, les deux, ouais, parce que là, présentement, il y en a juste une de disponible, mais je suis abonné au BioWare Store, hein, fait que quand il y a une figurine qui apparaît, que je suis vraiment en exclusivité, il m'envoie des emails pour me dire comme quoi que veux-tu venir la précommander. Est-ce que ça tente de nous donner ton argent? Ouais, fait non, mais ce qui est de BioWare à date, ça m'a jamais déplu, honnêtement, fait que... Ben, c'est bon. Le 3, je l'attends vraiment beaucoup. Là. Donc, ça s'en vient juste une couple de mois. Ouais, je te dirais que ouais, celui qui m'a donné le plus d'émotion, je pense que c'est Mass Effect. Le premier. Ah ouais, c'est quoi, okay. J'ai embarqué solide dedans. Hein, puis, je suis capable de comprendre ça comme étant le meilleur jeu que tu as joué de tous les temps. Là. Je rejouerais n'importe quand puis je ne m'attendrais pas parce que l'histoire est écœurante puis les dialogues encore mieux. Fait que... Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent ah, en anglais, c'est meilleur qu'en français. Je suis pas prêt à dire ça, moi. La traduction en français est très bonne. J'ai essayé les deux. Là, puis je sais pas, en français, c'est super bon aussi. Puis, de toute façon, les jeux d'aujourd'hui traduits en français, c'est meilleur parce que c'est plus un français de France qui peut taper ses nerfs au monde. Moi, je suis habitué, j'ai des amis en France, ça me dérange pas. Je vais souvent voir aussi des vidéos de Français qui sont super connus là-bas, qui ont des 1 million de visites par année, tu sais, fait que sont très bons en plus. Sauf que maintenant, surtout avec le fait français d'Ubisoft, tout ça, je te dirais que c'est du français standard. Ouais, un français international, un peu comme les films. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un français que tout le monde peut comprendre. C'est pas des expressions à la française. Fait que, tu sais, encore là, tu sais, Mass Effect, c'est comme ça. Tous les jeux d'Ubisoft, c'est comme ça aussi. J'ai même un jeu chez nous qui s'appelle Curse Mountain sur la Wii, qui a été traduit vraiment en québécois. Tu les entends, c'est vraiment des Québécois qui parlent dans le jeu. Puis ça, c'est un jeu, malheureusement, qui est passé inaperçu. C'est un genre de survival horror un peu bizarre, mais je te disais, faudrait, ceux qui ont des oui, il faudrait l'essayer. Parce que d'entendre les personnes, les dialogues parlant québécois, c'est assez drôle, je vais te dire. Ça va être assez impressionnant. J'espère que c'est pas comme dans Mario Galaxy où la princesse est donc bien fine, puis des affaires de même, par exemple. Ouais, c'était quoi? Je pense que sur la DS, c'était Phantom of the Hourglass ou Spirit Track, je m'en souviens plus. Le Zelda traduit en québécois, c'était assez ordinaire, ça aussi. Là. Ouais. Écoute, non, je te dirais que pour moi, l'aspect francophone, c'est important, puis de plus en plus dans un jeu. Moi, si je peux avoir la version française, comme garde, tu vas dire peut-être que j'ai pas fait un bon choix, mais Skyrim. J'étais assez freak pour avoir acheté l'édition de collection qui venait juste en anglais avec. Ok, ouais. Et en même temps, j'ai acheté l'édition en français parce que Je suis pas parfaitement bilingue, OK? Je me débrouille, mettons, je suis quelqu'un qui parle en anglais, je vais comprendre, je vais y parler, c'est sûr. Mais il y a des expressions que je comprends pas, tu sais, que j'ai jamais entendu, fait que ça, je vais avoir un petit peu plus de difficultés. Fait que un jeu de rôle, on s'entend que le dialogue, c'est super important. Fait que si je peux jouer en français, ben, Tu just vas le go, faire. je vais jouer en français. Ben, c'est ça, je vais jouer en français. Puis, moi, je trouve que les traductions sont bonnes pareilles, là. Mais c'est OK. sûr que, tu sais, un Final Fantasy, mettons, moi, j'ai un amour inconditionnel pour les jeux japonais. Malheureusement, au Québec, c'est pas le cas pour la plupart du monde parce que, tu sais, les principaux préjugés, c'est on sait pas si on joue avec un gars puis une fille, puis les voix Ouais. japonais, on n'aime pas ça. Mais Final, ça aura la meilleure immersion dans le jeu, je te disais, c'est de jouer avec les voix japonaises, puis mettre le jeu sous-titré en anglais, puis ça va être parfait, là. Ouais, la même chose pour les animés japonais. Simon, qui Exact. fait le podcast avec moi, il écoute beaucoup d'animés japonais, puis lui, il les écoute en japonais sous-titré en anglais. Ben, c'est exactement ça, c'est Puis ça. comme ça, t'as vraiment le feeling. C'est comme le monde qui préfère écouter un film en anglais parce qu'il a été fait en anglais plutôt qu'écouter la traduction. C'est que t'as vraiment la voix de l'acteur qui a été choisi pour faire la voix et non pas un traducteur qui a été parce qu'il était le moins cher à engager pour faire la job ou quelque chose comme ça, là. T'as vraiment le feeling que le producteur voulait donner. C'est la même chose pour un jeu. Ben écoute, de ce côté-là, ça dépend parce que, tu vois, mettons, j'écouterai pas, mettons, le flic de Beverly Hills d'Eddie Murphy en anglais, j'aime mieux sa voix en français, tu sais. Ça, c'est une question d'habitude aussi, ouais. Un peu, comme je te dirais, les films de Denzel Washington, que ça, c'est mon acteur favori depuis très longtemps, je préfère la voix qu'il a en français qu'en anglais. En fait, sa vraie voix, là. Parce que OK. sa voix, ce que j'aime, le fait francophone des films, c'est que c'est toujours la même voix d'habitude qui fait la traduction du gars. Fait que, tu sais, t'habitues à cette voix-là. Tu sais, Denzel Washington, il a la même voix. Bruce Willis, il a la même voix dans ses films. Ouais. Fait que ça fait une méchante différence, là. Ouais. Des Ben. fois, c'est un peu quand tu entends la voix de quelqu'un dans un autre. C'est comme, il y Ouais. a un dessin animé que mon gars écoute, puis c'est la voix qui traduisait Sylvester Stallone Ouais. qui joue dans ce dessin animé-là. Tu regardes le bonhomme, tu dis, ça fit pas. T'entends le ballon à un moment donné, Adrien! Ouais. Puis il va se mettre à tirer ou quelque chose, je Ouais. sais pas, là. Il y a quelque chose qui va se passer, là. Mais oui, c'est un fait. Moi, je préfère en anglais, mais mes jeux, je vais les jouer en français si sont disponibles, juste pour le fait de. Regarde, je veux dire, je suis francophone à la base, là. Fait que j'ai joué en français. Mais tout ce qui est Ubisoft, moi je joue en français parce que les traductions d'habitude sont incroyables. T'sais, je crois que le monde aime Splinter Cell en anglais parce que c'est Michael Ironside. Ça, je suis d'accord. Sauf que moi, j'ai joué en français jusqu'à là puis je regrette pas mon expérience là. Non, Splinter Cell Conviction, je l'ai joué en français aussi, puis Ouais. j'ai trouvé ça très bien. Puis garde Deus Ex aussi, la traduction Ouais. française est parfaite, là, est Effectivement. super bonne. Mais ça, tu vois, Deus Ex, c'est un jeu que. Jouer en français parce que justement il y a beaucoup de dialogues tout ça, puis tu sais, il y a peut-être certaines séquences que je comprendrais pas, tu sais, ça me tente pas d'arrêter le jeu, d'aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ce mot-là veut dire quoi, ben je les connais pas tout en anglais, fait que tu sais, le jouer en français c'est disponible, parfait, je vais jouer en français. C'est sûr que là, s'il se fait juste en anglais, mais ben là, T'as pas le choix, je vais le prendre en anglais, puis au pire, pour vraiment être sûr de comprendre, mais je vais le mettre sous-titré en anglais, fait que je vais avoir les sous-titres en bas, fait qu'au moins je vais pouvoir vraiment lire ce que la personne veut dire, je vais peut-être mieux comprendre dans ça, parce que moi je suis un gars qui est visuel et non auditif, hein, fait que. là. OK. Ça l'aide déjà avec les sous-titres, là. Fait que c'est beau. On est rendu à ton pire jeu à vie. C'est quoi? T'en as-tu un ou t'en as comme une panoplie? Mais mettons le pire, là. Je dirais qu'un des pires, ça a été E.T. Ça, sur Atari, ça a été. Ouais. Celui où ce que tu te promenais, fallait te trouver des morceaux là. Ah, écoute, ça. C'était Je pénible. pense que ça a été la fin d'Atari, ce jeu-là, malheureusement. Ouais, c'était pas fort. Je me rappelle, je l'avais acheté ce cassette-là. Tu sais, le 44-95 là. Ah, Je pense que c'est ouais. un de mes pires aussi, là. Ah, ouais, ça, là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Puis ça se peut d'être le jeu, ça se peut de révolutionner le jeu vidéo en plus. Il était lancé comme ça, mais c'est. Ouais, ok, non, pas vraiment. Révolutionner pas dans le bon sens. Sinon, je te dirais, peut-être dernièrement, en tout cas, de ce que je me souviens, il y a eu Brink cette année qui était vraiment mauvais. Le monde qui ont bâché sur Duke Nukem, je peux comprendre, qu'il faut se mettre dans la peau du développeur qui a changé 3 fois en 10 ans. Puis que là, tu sais, ils ont sorti le jeu, puis là, ils sont en train de travailler sur la suite, puis on s'entend que vu que c'est juste un développeur qui travaille dessus, ça va être bien meilleur. Puis ils partent à zéro, là. Ils sont pas pognés avec des morceaux qui ont été Ah, faits c'est depuis dans ça. les années 90, puis qu'il a fallu qu'ils adaptent à la sauce du jour, là. C'est ça, exactement. Sinon, qu'est-ce que j'ai essayé de mauvais? Hey, j'ai tellement une liste innombrable de jeux que j'ai joué, il faudrait que je m'en souvienne, mais E.T., c'est sûr que ça a frappé solide. Ouais. Écoute, ça, je me suis jamais caché pour dire que la console que j'ai joué le moins, que j'ai jamais trippé vraiment, c'est la Nintendo 64. À part GoldenEye, Perfect Dark, il n'y a jamais vraiment quelque chose qui m'a allumé là-dedans. Puis, n'en déplaise aux fanboys ou au monde qui trippe sur Nintendo. Moi, Mario 64, j'ai jamais embarqué dans Mario 3D. J'ai jamais été capable. J'aime pas le style du jeu. J'aime pas comment il est fait. Je le trouve pas beau. J'ai pas embarqué du tout. Puis j'aime les Mario. Mais celui-là, là, pour moi, ça a été le Mario qui ont fait peut-être de trop dans toute la série. Même Mario Sunshine, qui était sorti sur GameCube, il fallait que tu peintures des affaires avec de l'eau pour enlever les taches. Je trouvais ça mieux fait que Mario 64. Même si Nintendo, ils ne veulent jamais rentrer Mario Sunshine dans leur liste de jeux. On dirait que c'est comme s'ils sautent à chaque fois, ils veulent pas en parler. C'est comme s'il n'existait pas pour eux autres. Là. Moi, de ce côté-là, Mario 64, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Je disais E.T., c'est sûr que c'est un classique du mauvais. Écoute, sinon, comme je te dis, il y a Brink, il y en a un paquet dans le fond. Là, que... Mais tu sais, j'ai tellement joué à des jeux que les plus vieux, ça fait longtemps. Mais tu sais, le premier Ninja Turtle sur la NES, il y a tellement de bouts que je comprenais pas pourquoi ils avaient mis. T'sais. Je te donne un exemple. Tu descends dans un égout, il y a plein d'ennemis, c'est correct, tu fais le ménage. Mais là, le chemin, il faut que tu passes par en bas, mais par en bas, il y a du feu et il y a des ennemis. Fait que si tu sautes, mais tu sautes pas sur le bon pixel en sautant, c'est sûr que tu te ramasses en bas et tu meurs, tu recommences. Fait que faut vraiment que tu sois bien seté pour sauter, pour atterrir. Ça, c'était infaisable. Y a des jeux que t'as vraiment dur, comme le premier Ninja Gaiden aussi. Combien de fois je restais pris dans le trou, mais j'étais sur un pixel qui apparaissait pas à l'écran. Là, j'étais comme ça, je me disais, attends un peu. Yo, mon bonhomme, je suis pas mort à l'écran encore là, c'est pas marqué Game Over à rien. Là, j'allais chercher à un moment donné, ah, il y a une petite tête qui apparaît, tu sais. À un moment donné. Ok, c'est correct. Hein. Mais dans ce temps-là, les bugs, je t'en foutais un peu. Ouais, puis tu savais qu'il serait pas arrangé. De toute façon, c'était pogné d'une cartouche, puis c'était fini là, là. Ah non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de mise à jour disponible sur Internet. Puis, tu sais, fait que... Mais non, je te disais que E.T., Mario 64, c'est pas mal des bons exemples pour moi, là. D'un pain. Ouais, mais tu sais, je sais que le monde, ils seront pas contents quand ils vont entendre le parc. Mario 64, tu fais là, toi? Moi, je l'ai pas trouvé bon, mais vraiment pas, là. Ben, c'était parce que c'était nouveau. On était habitué de voir Mario dans un side-scroller plus que 3D, puis c'était vraiment différent. Puis, je veux dire, ça a quand même pogné parce que Super Mario Galaxy, c'est quand même un peu la même recette, la même sauce, un peu mieux faite, là. Mais c'est quand même encore du 3D. Puis t'as Super Mario, New Super Mario Bros. Wii qui est sorti, qui est vraiment retour à la sauce plus originale Ouais, d'un mais c'est ça. side-scroller. Fait Ouais. que tu sais, t'en as pour tous les goûts. Mais moi aussi, j'aime mieux un Super Mario Bros. Wii qu'un Mario Galaxy, juste pour le fait que des fois, ça vient mélangeant d'où ce que t'es. Puis sauter à l'envers, puis retomber avec la gravité sur tes pieds pareil, tu sais. T'as la tête en bas, mais tu sautes, mais tu retombes pareil sur la planète. T'aurais l'impression que si tu sautes, tu vas comme tomber dans le vide, mais non, tu sais, ça vient dur à gérer à un moment donné. Mais ça vient un peu plus bizarre, là. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, même sur Nintendo 64, tu sais, GoldenEye, il était pas ben beau le jeu, là, mais il y avait le facteur fun qui était là. Le fun factor, il était présent. Ce que j'ai jamais retrouvé dans Mario 64. Mario 64, il y avait l'effet de dérapement aussi. Là, tu pars à courir, puis il dérape un peu quand t'arrêtes, il arrête pas d'un coup sec, ça m'énervait totalement. Là. Fait que c'est l'affaire que j'ai pas aimé dans Mario. Puis, je te dirais, c'est pas mal ça parce que moi, côté critique, ça enlève l'aspect graphique, je suis pas super difficile parce que si j'ai du fun avec le jeu, ben déjà en partant, ça part déjà avec une note d'avance comparée à bien des sites internet. T'sais. Fait que des jeux ultra mauvais, j'en ai pas joué tant que ça en fait. C'est sûr qu'il y a des jeux j'ai chez nous dans ma collection que je ne rejouerai jamais parce que bon, je l'ai fait une fois, c'était le fun, mais sans plus, t'sais. Mais ça reste dans ma collection quand même. De toute façon, mes jeux, je les revends jamais, là, de toute façon. T'es garde. Ouais. Mais je te disais peut-être, plus récemment, c'est sûr que les jeux de films comme Thor, comme Green Lantern, que sont sortis cette année, qui sont trop répétitifs, ça aussi, tu sais, c'est des jeux que j'ai vraiment de la difficulté. C'est des jeux que je vais faire une fois, puis bon, c'est tout, là. Mais, tu sais, c'est à peu près ça, dans le fond. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tellement sorti de jeux que, tu sais, tu peux pas passer à côté d'un jeu, mettons, faire une comparaison que, ah, ça, c'est moins bon que celui-là. Ouais, mais. C'est normal, tu sais, ils sortent à peu près comme 150 jeux du même style dans l'année, c'est certain, hein, ouais. Ça vient répétitif, puis tu Mais compares toujours à l'autre qui est ouais. semblable, qui est sorti un peu avant, parce que c'est le même studio, puis ah, regarde, ils ont pris le même engin, ils ont juste changé un peu les personnages, puis c'est le même jeu qu'ils nous ont servi. les films, c'est le même aspect. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, il y a un film qui va sortir. Ah, ça ressemble à celui-là. Ouais, mais c'est normal, ça se passe sur une planète, c'est la science-fiction, il y a des extraterrestres, c'est bon. Ouais. Je veux dire, c'est un peu normal aussi, là. C'est toujours comme ça, là. Mais c'est un peu le problème du monde du film puis du monde du Ouais. jeu vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de nouvelles idées, ils prennent du vieux stock puis ils nous remettent ça à saveur du jour puis ils nous resservent ça une deuxième fois. Ben, ça serait étonnant de voir la plupart des films qui ont sorti, mettons, depuis 5-6 ans au cinéma, c'est souvent des remakes des années 70-80 qui refont tout, mais le monde, ben, la plupart, ils n'étaient pas nés ou ils Ouais. n'écoutaient pas le film dans ce temps-là, fait que t'sais, ils savent même pas. Mais Ouais. c'est assez étonnant, tu marques le nom, hein? Comment Ouais, ça, c'est le ça même titre existait déjà. en Oh, ouais. 1970, puis tu Ouais. vas voir, tu dis, ah ben, c'est un remake. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ça te fait connaître le film qui était le film original aussi. Parce que Ouais, tu le savais pas. Puis là, des fois, tu le regardes. Puis c'est gars, prends un exemple. Moi, je suis un amateur de films de char. Parti en 60 secondes. Ça a été fait dans les années 70, mais la version des années 70 est pas mal plus atroce que la version qui est sortie avec Nicolas Cage, là. C'est moins intéressant. Au moins, la nouvelle version est un peu plus, tu sais, est mieux faite. T'as plus d'auto, puis t'as plus d'affaires de même. Moi, je l'ai trouvé plus intéressant que l'ancien. Puis, fait que, tu sais, des fois, c'est pas toujours pire. Des fois, il améliore pas nécessairement l'original, là, mais. Ah non, c'est certain. Puis, sauf que le contraire est aussi bon. Il y a des films d'aujourd'hui, tu regardes. Ouais, sais-tu qu'à part les effets spéciaux, puis une couple d'affaires de même, là, c'est pas meilleur que la version qu'il y avait dans les années 70. Ça, c'est assez ordinaire. C'est ça. Des fois, c'est exactement la même histoire. Là. Des fois, il améliore. Des Ouais. Ouais. fois, c'est vraiment juste comme une défaite pour sortir un film. Puis ça, on s'en fait sortir souvent. Puis regarde, la nouvelle mode de prendre un vieux jeu puis le refaire en HD puis le ressortir, c'est aussi un peu ça. Sauf Sauf que ça marche, par exemple. que ça marche, là, Ouais. ça se vend. Puis souvent, je veux dire, ça vaut quand même la peine parce que c'était des bons jeux dans le temps. C'est des jeux qui étaient peut-être classés comme excellents dans le temps, puis il y a bien du monde qu'ils n'ont pas connu. Fait que ça permet à une nouvelle génération de connaître ces vieux succès-là. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce qu'il faut que tu ressortes aussi, là, Je te mais. dirais, le meilleur exemple là, pour ça, c'est la version qu'ils ont faite à Xbox Live de Beyond Good and Evil, qui était passée pour bien du monde inaperçu sur le premier Xbox, Ouais. puis qu'ils ont fait en HD, puis mon Dieu, il est vraiment excellent, hein, puis j'ai tellement hâte au deuxième, mais Michel Ancel l'a dit, regarde, il va sortir quand il va sortir, puis ça finit là, là. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il va en avoir un deuxième, parce qu'il travaille dessus présentement, sauf que quand il va sortir, on ne le sait pas. Mais tu sais, je pense que ça, c'est une belle avenue, parce que. Bon, c'est sûr qu'il y a des jeux comme Prince of Persia qui ont fait en HD que le son, des fois, il bug un peu, puis tout ça. Mais je te dis, le meilleur exemple dernièrement qu'ils ont fait, qui est super bien repris, c'est le premier Halo. Ouais. Écoute, Denis Talbot, il en a parlé, il a fait la critique. Moi, je l'ai critiqué, j'ai donné la même note. Ça, c'est un beau 9 sur 10 parce que, comme je parlais dans mon podcast hier, j'avais peur quand Bungie a abandonné Halo, que ce soit une compagnie bidon qui prenne le relais. Puis, non, il fallait faire confiance à Microsoft de ce côté-là. Puis, ce que 343 Industries ont fait avec. Parce qu'ils ont travaillé sur Reach, ils ont travaillé sur le multijoueur de Reach aussi, c'est eux qui l'ont développé. Puis là, c'est eux qui ont fait le premier Halo version HD. Fait que là, j'ai même plus peur pour Halo 4, c'est eux autres qui vont complètement faire le développement. Là, je me demande si la prochaine, ils vont-tu ressortir Halo 2 en HD? Écoute, Faudrait bien un coup parti. je vais pas jouer au devin, là, mais quand il a annoncé le premier Halo version HD, ça faisait à peu près un an que j'en parlais à tout le monde que je connaissais qu'ils vont finir par le faire à un moment donné tôt ou tard. C'était clair, puis c'est ça qui est arrivé. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire un Halo à chaque année. Donc, cette année, Halo 4, dernier sur la 360, d'après moi. Ouais, ça ou ils vont la sortir avec la nouvelle console? Oh non, non, non. Non, parce Non? qu'il sort. Il sort. Ben. Parce que selon ce que Tristan a tweeté hier, là, les nouvelles consoles vont être présentées pour Sony puis pour Microsoft au prochain E3. Ils sortent pas là, c'est sûr, là, mais ils vont être présentés. Halo 4, c'est-tu pour cette année ou c'est pour l'année Écoute, prochaine? si tu veux ma prédiction là-dessus, là, je pense que Microsoft va encore avoir l'avantage sur Sony. Donc. Écoute, la Kinect 2 est en développement depuis longtemps. Ça va être un lancement avec la Xbox, probablement ça va être un bundle. Sûrement. Puis ça m'étonnerait même pas qu'ils font comme la surprise de l'année passée, quand ils avaient annoncé la Slim. Puis à la fin du show, ils disent « Ah, oh, by the way, elle est en vente déjà en magasin. » Quoi? Tu sais, Sony, quand ils avaient annoncé la Slim, elle est en vente comme 4-5 mois après. Ouais. Fait que là, check bien si Microsoft arrive pas au E3. « Oh, by the way, the console is in sale now. » Voyons donc. Tu sais, où ils vont la sortir dans le temps de Noël? S'ils Moi, font plus. ça, ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais mieux qu'elle sorte en 2013. Mais bon, s'ils font ça, c'est sûr que Halo 4, il va sortir avec lui. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ce qui va arriver, c'est comme je disais tantôt, c'est que là, tu vas avoir Halo 2 qui va sortir peut-être sur la nouvelle console en HD ou sur la 360. Ils vont peut-être continuer à faire des titres à la 360 aussi. Ensuite de ça, là, après ça, tu vas avoir Halo 5. Puis peut-être à un moment donné, à quelque part, que j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils sortent une suite à Halo Wars. Mais bon, ça. C'est un autre studio complètement, ceux qui avaient fait ça. Je sais pas si. Non, c'était Bungie encore, sauf que c'était un RTS sur console. La plupart du temps, c'est vraiment mauvais. Sauf que lui, il avait été développé uniquement sur console et non sur PC. Ouais, fait que les commandes étaient pensées console. Exactement. Puis c'est pour ça que ça faisait que c'était un excellent jeu. Malheureusement, que le monde a passé peut-être à côté. Mais jouer un RTS dans l'univers de Halo, c'était vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment eu du fun avec. C'est ça. Fait que j'attends le 2. Mais tu sais, c'est ça là, c'est peut-être pour ça aussi que Ghost Recon, Future Soldier sont pas Future Soldier, mais Rainbow Six sont pas en 2013, parce qu'il va peut-être sortir sur la nouvelle Xbox aussi. Là. C'est la nouvelle console. Peut-être. Donc, est-ce que Mass Effect 3 va sortir sa nouvelle console? Ben, probablement qu'il va sortir sa 360 puis sa PS3. Ils vont peut-être avoir Mass Effect 4 sur la prochaine console, j'imagine. Ouais, ça, parce que le monde qui pense que Mass Effect. Tu sais, parce que BioWare, cette semaine, ils ont dit, ah, tu sais, ça va être. On sait plus quand, trop comment faire finir Mass Effect. Est-ce qu'on y fait faire une suite? Est-ce qu'on le finit puis c'est fini par après? T'sais? Mais non, c'est sûr qu'il va y avoir un Mass Effect 4, là, c'est certain. Là, C'est qu'il sûr, va pas regarde, c'est comme Gears of War, c'est une ouais. trilogie, là, mais Cliffy B. l'a dit bien ben, ben Ouais. clair. Je veux dire, si le 3 se vend, on va en faire d'autres, on n'est pas fou, là. Regarde, fait que c'est clair, clair, clair que Mass Effect 3 va se vendre comme des petits pains chauds, puis il va avoir un Mass Effect 4, là. Sauf que ça sera plus l'histoire de Shepard, puis tu sais, de la Guild of War, ça sera plus l'histoire de Marcus Fenix et tout, là, je veux dire. Mais tu sais, la fanbase est là. Tout l'univers de Guild of War, de Mass Effect est là. Tu sais, c'est un peu pour ça que moi, je m'identifie pas à la série Resistance sur la PS3. Parce que pour moi, l'attachement au personnage est super important. Ça, tu sais, un jeu vidéo, ben, tu le sais que dans le fond, dans la vraie vie, ben, tu joueras pas ce style-là, tu vivras pas cette aventure-là. Puis moi, c'est ça que j'aime le jeu vidéo, c'est que je m'évade quand je joue à ça, tu sais. Puis, ben, Resistance, je l'ai pas parce que malheureusement, dans les trois, tu joues trois différents personnages. Ton attachement est pas là. Tandis que Halo, ben, c'est sûr que les deux derniers, c'était pas Master Chief, mais bon, tu restais dans le même univers. Tu sais, Gears of War, mais tu joues Marcus Fenix dans les trois, tu sais, fait que tu as l'attachement au personnage. Mais Resistance, c'est ça. C'est pour ça que moi, je le joue, puis, OK. Bon, je l'ai fini, l'histoire était bonne, mais sans plus, tu sais. Tandis que tu prends Uncharted, ben, au moins, tu suis l'aventure de Nathan Drake depuis les trois premiers. C'est Golden ça. Abyss, ça va être la même affaire. Tu vas jouer encore Nathan Drake sur la PS Vita. Fait qu'au moins, il y a une continuité. Mais, tu sais, c'est un peu comme Final Fantasy, tu sais, le monde dit, ah ouais, mais je peux pas jouer au 7e, puis après ça, jouer au 13e, puis revenir au premier, ça n'a pas de sens. Oui, parce que c'est le même univers, mais c'est des histoires différentes. C'est ça. Et Dragon Quest, c'est le même principe, c'est la même chose, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils sortent à compte-à-rebours présentement, parce que t'es pas obligé d'avoir joué au 4e, puis comprendre le 8e, puis etc., là. Là, tu C'est peux des t'échapper, histoires en c'est c'est des ça. histoires séparées dans un même univers. C'est ça. Ben, souvent, des fois, c'est les mêmes personnages que tu retrouves, mais c'est des histoires différentes. C'est ça. C'est ce qui rend ça intéressant quand même. Ben, Quand exactement. l'univers est intéressant. Exactement, c'est en plein ça. Fait que Dom, je pense qu'on va finir là-dessus parce que ça fait déjà une bonne heure dépassée. C'est bien correct, j'ai trouvé ça super le fun. Puis je savais que tu avais du stock intéressant à dire. Puis je suis sûr qu'il y avait plein d'autres affaires qu'on aurait pu parler. Parce On fera une que. partie 2 un moment donné. À un moment donné, je te réinviterai pour une partie 2. Fait que fais juste mentionner au monde qui saurait pas où te rejoindre. Ça me surprendrait, mais on va le faire pareil parce que des fois, il y a peut-être du monde qui ont pas suivi que t'es rendu chez Factor Geek. Fait qu'on te rejoint comment si on veut te Ben, écoute, notre site discuter? internet, factorgeek.com. Maintenant, c'est très facile de nous laisser un commentaire. Là. Dans chaque article qu'on fait, il y a une petite bulle qui apparaît en haut à droite de l'article. Vous pouvez laisser votre commentaire là ou en bas complètement. C'est super convivial. Il est Ensuite super de beau votre site ça, à part de ça. ben merci. On a travaillé fort dessus. Bon, on va l'améliorer, c'est sûr, mais tu sais, présentement, il fallait sortir une base un moment quelque part, puis c'est ça que ça a donné. Ensuite, ben moi, j'aime pas Facebook. Je me lève la nuit pour le détester, là. Mais pour le site internet, on n'avait pas le choix. Puis la plupart du temps, c'est moi qui s'en occupe. Fait que dans le fond, c'est moi qui roule le compte Facebook de Factor Geek aussi. Okay. Sinon, ben tout ce que vous voyez de Dart Sim à quelque part sur les internets, ben c'est moi. C'est ça. Fait que ce soit Google Plus, Twitter, ce soit les comptes de jeux vidéo, Steam, whatever, tout ce qui est Dart Sim, c'est moi. Sinon, ben mon Skype est toujours ouvert, mon Twitter est toujours ouvert, puis j'essaie la plupart du temps de répondre à la question dans les minutes qui viennent. Si je peux pas, c'est parce que je suis au travail, mais la plupart du temps, je pense que je réponds pas mal aux questions du monde qui me pose. Ouais. Sinon, ben pendant les podcasts aussi, on aime ça l'interactivité avec le monde. Il y a le chat sur twitch.tv. Ouais. Puis nous autres, c'est quelque chose qu'on voulait faire. C'est une suite importante. C'est on aime ça faire le direct parce qu'on aime ça l'interactivité avec du monde. Puis tu sais, je me suis promis en 2012 que j'aimerais ça aider. Les podcasts sont pas connus au Québec, un peu comme En direct du sous-sol, tu sais, que ça fait un bout qui roule, mais tu sais, ils sont pas super connus. Un nouveau qui commence bientôt, qui s'appelle le podcast sans nom, tu sais. Ouais. Je vais les inviter parce que j'ai eu cette chance-là. Puis je veux faire connaître le monde justement pour, je veux leur donner cette chance-là aussi pour qu'ils l'aient, en fond, pour se faire connaître. Je trouve ça important parce que je trouve la communauté geek, c'est une communauté qui est tissée serrée. On est comme une grande famille au Québec. Ouais. T'sais, on n'est pas en compétition directe, on fait juste des produits différents. C'est ça. C'est, bon, mais si t'aimes pas un podcast, tu passes un autre puis ça finit là, c'est tout. Là, je veux dire, ouais. On a quand même besoin un peu l'un de l'autre. Là, je veux dire, surtout ça. Les plus petits ont surtout besoin des plus gros là, pour se faire connaître un peu pis tout ça. Mais je veux dire, c'est le fun, tu sais, de temps en temps, jaser ensemble. C'est comme nous autres, on parle là. Des fois, on se jasait quand j'appelais sur vos podcasts, faire le même. T'sais, ça vient le fun d'avoir de partager ça avec d'autres mondes qui ont la même passion aussi. Là. Puis on s'entend, les podcasts, on fait ça par passion, on fait pas ça par, par le but de faire de l'argent à quelque part. Ah non, ben ouais, ça là, moi, en tout cas, pour moi, c'est rendu payant. Ah, OK. Non, pas du tout, je fais ça par passion, honnêtement, parce que j'aime ça. Parce que dans mon entourage immédiat, il n'y a pas vraiment de monde qui aime ça, les jeux vidéo. Fait que le seul moyen, c'est pour ça que le monde dit, ouais, tu sais, quand tu parles souvent, longtemps, pis ça, tu as du contenu. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, le reste de la semaine, j'en parle pas à personne. C'est ça. Fait que t'en profites. J'aimerais ça, là. J'aimerais tellement ça quand je finis un jeu, mettons, donner mes impressions à quelqu'un, tu sais, dire hey man, ce jeu-là, t'aurais dû le voir, c'était incroyable, la cinématique de fin, c'était extraordinaire, moi j'ai trippé. À qui tu veux que j'en parle? À personne. Non. Fait que dans le fond, ça me permet aussi mes vidéos, mes démos FG que je fais maintenant, ça me permet un peu de pouvoir, tu sais, en discuter. J'ai de la niaiseuse, je fais ça tout seul devant un écran, là. Mais tu sais, c'est au moins, tu sais, le monde, ben, ils ont mon pouls un petit peu à froid du jeu, qu'est-ce que j'en pense, tout ça. Tu sais, dans le fond, je peux dire ce que j'en pense du jeu, si j'ai trouvé ça bon, tout ça. Mais tu sais, je suis en train de jouer en même temps. Fait que, ouais. Ça donne vraiment l'aspect. C'est pour ça que j'aime ça un peu Internet, c'est que. T'as quelque chose que tu peux faire, mettons, tu peux dire ce que tu penses, tout ça, puis bon, mais c'est facile d'accès. Ouais, tu vois, en vidéo, en podcast, sur Internet, sur Twitter, tu marques 2-3 mots, puis ça résume ta pensée, c'est le fun pour ça. Ouais. Puis n'importe qui veut le faire peut le faire aussi. Ouais, hein. C'est exactement ça. C'est avec un peu d'aide, des fois, tu sais, si quelqu'un voulait vous partir un podcast, vous avez besoin d'aide, posez-nous des questions. Ça veut pas dire qu'on a absolument le temps de tout faire pour vous autres, mais on peut vous donner des pointeurs, vous dire quoi utiliser, ouais. comment ça marche à peu près, puis après ça, vous aider par petits coups, là. Je veux dire, on n'est pas là pour prendre toute la place puis pas laisser la place aux autres. Là. Moi, j'adore ça, voir des nouveaux petits podcasts. Puis aussitôt qu'il sort un podcast, je vais y donner une chance, je vais l'écouter, puis je vais me voir si j'aime ça, alors ça, je continue. Je veux dire, c'est comme Dom, il dit, c'est comme une grande famille, on se connaît pas nécessairement personnellement, mais quand tu commences à faire du podcast, tu sais quel genre d'ouvrage qu'il y a en arrière de ça, puis c'est un respect, là. Puis je veux dire, vous autres, c'est encore plus gros que nous autres, on peut être. Là, fait que c'est encore plus d'ouvrages pour vous autres. Vous autres, vous avez le site, vous avez le podcast. Ça commence à être du stock là, quand tu veux ben, vraiment être complet. Là. Écoute, préparer le podcast, c'est environ 7-8 heures parce que nous autres, on commence le lundi matin. Nous autres, on fait le plan du podcast. Mettons, on part et on se dit bon, OK, toi, tu parles de quel jeu? Moi, je parle de quel jeu? Steve, Audrey, il parle de quel jeu? OK, c'est correct. Ensuite de ça, bon, mais va l'actualité. Qu'est-ce qu'on fait? Là? De quoi qu'on parle? Quel dossier qu'on a cette semaine? Mais là, tu sais, faut arriver, par exemple, avec du contenu parce que si on arrive, mettons, on n'est pas prêt. Mais ça sent, on a l'air un peu fou. Tu sais, là, tu parles du jeu, puis là, t'es un peu, ouais, t'es fait dans quelle année? C'est quel studio qui l'a fait? Dans un peu, je sais plus, je m'en souviens plus. Non, tu sais, faut tout mettre ça sur texte, mettons, poser des questions, pis ça, tu sais, ça paraît pas, mais préparer un podcast, c'est long. Ouais. Puis, moi, je te disais, je passe environ 40 heures par semaine pour le podcast, pour le site internet, puis tout ça, fait que. C'est le deuxième job. Ah, ouais, sauf que je suis pas payé, mais j'aime ça faire ça. Je veux dire, C'est si par je faisais pas passion. d'autre chose, je ferais quoi? Je sais pas, je me la demande. Fait que, tu sais, bon. C'est ça. Non, c'est par passion, puis c'est Ouais. ça. Puis à un moment donné, tu veux que ça soit bon aussi, puis tu veux que ça soit à ton image, puis tout ça. Puis t'as pas juste l'enregistrement, t'as le après aussi, qui est mettre ça en ligne, puis tu le quittes, là. C'est de l'ouvrage. Ouais, mais tu sais, j'aime ça faire ça. Puis ça, c'est le fun des fois que, tu sais, le monde dit, ah, laissez des commentaires, j'aime pas même ça, mais si tu savais des fois comment c'est le fun de lire un commentaire, c'est juste de, hey, c'est mon site internet, puis il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire dessus, c'est comme, là, tu vas le lire, puis, aïe, aïe, aïe, ben oui. Puis moi, je trouve ça important. Si la personne a laissé un commentaire, ben c'est à moi des choses d'y répondre, tu sais. Ouais, bah ouais. Puis c'est ce que je fais la plupart du temps. Et à date, sur Facteur Geek, il n'y a pas un commentaire qui a pas été répondu, là. Ouais, c'est ça. Non, c'est par ses respects. La personne a pris du temps pour t'écrire quelque chose. Ben, exactement. C'est bon de réécrire puis de au moins ils savent que t'as lu leurs commentaires, qu'ils ont pas juste laissé ça pour rien. Ah, c'est exactement, c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, si la personne le fait, mais c'est pour qu'il soit lu, hein, c'est pas pour rien. Donc, C'est elle ça. s'attend à quelque chose en retour, tu sais. Ouais. Fait que Dom, je te Oui, remercie Mathieu. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment le fun. On a débordé comme d'habitude. C'est pas grave. J'ai pas mis de temps limite à ce Ouais. podcast-là. Je veux juste pas que ça soit trop long non plus. Une heure et quart, ça va être parfait. Peut-être 1 heure et demie max, là, puis c'est le fun. Mais regarde, je veux dire, on parle, puis j'ai pas l'intention de couper ça parce que je veux rentrer ça dans une case horaire de certains temps. C'est la beauté du podcast. On n'a pas de temps limite. C'est nous autres qui décident, puis quand qu'on veut que ça arrête, puis c'est tout, là. Mais je trouve ça super le fun que tu aies accepté. Merci d'avoir brisé la glace parce que c'est toi le premier. Ouais, j'ai pas parlé beaucoup de moi, mais en tout Ben, t'as parlé de ton jeu ouais. vidéo pis tout ça, Ouais. c'est pas vraiment quelque on voulait pas aller dans le personnel, parce que je veux Non. dire, le personnel, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut étaler sur la table Non, ou pas tu sais, vraiment. c'est vraiment ton passé jeu vidéo pis tout ça qui était le but du podcast, puis je pense que t'as pas mal passé à travers. Ben, je pense que le monde, ce qu'il va retenir, c'est que je joue depuis que j'ai en très bas âge, puis j'ai essayé toutes les consoles imaginables sur le marché. Donc, Tu sais de quoi tu parles. T'en ben. as essayé. T'as pas commencé avec. Ben, c'est pas pour dénigrer ceux qui ont commencé avec la 360. Je veux dire, on n'a pas tous 40 ans, là. Ouais, Mais, non, tu sais, c'est je veux ça. dire, quand t'as vu l'évolution du jeu vidéo, on est quand même choyé aujourd'hui d'avoir les jeux qu'on a, là. Dans le temps, c'était pas toujours. Tu sais, il y a des Ouais. super bons vieux jeux, mais il y avait de la cochonnerie aussi dans le temps, là. Ben, c'est vrai parce que tu vois, quand j'ai écrit un des derniers billets que j'ai fait sur MyGamer, ce qui s'appelait l'opinion du gamer, puis je parlais du fossé des générations, trop souvent quand je vois dans les magasins de jeux vidéo, j'entends trop souvent les jeunes dire, ah, ce jeu-là, tu sais, meilleur exemple, Three Dot Game Heroes qui est sorti exclusivement sur PS3, qui est comme un rip-off de Zelda, qui est pas super beau le jeu, mais tu sais, ça me rappelait des souvenirs de Zelda. Puis tu sais, les premiers commentaires que j'ai eu, ah, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu de Nintendo, hein? C'est un jeu que tu fais jouer sur Non, c'est un jeu de perso. Ben oui, oh non, je vais pas l'acheter, il est pas beau graphiquement. Tu sais, c'est ça qui est plate. La génération d'aujourd'hui s'arrête trop souvent au graphisme. Puis Ouais. pour moi, c'est pas l'important dans un jeu. Fait que tu sais, je suis content d'avoir vu toute l'évolution du jeu vidéo par rapport à qu'est-ce qui c'est aujourd'hui. Tu comprends un peu plus pourquoi que les compagnies de jeux sont rendus ce qu'ils sont rendus présentement. Ouais. Ça te permet d'avoir un plus grand éventail de jeux aussi, pas juste te Là. Ouais. fier à ce qui est beau. Mais il faut dire aussi, dans l'industrie du jeu vidéo se tire un peu dans le pied aujourd'hui, en voulant nous donner toujours du plus beau graphique, Ils puis ne c'est, savent t'sais. pas ce qu'ils s'en vont. Ils n'ont pas de direction présentement. Ils tirent de tous les côtés, puis à un moment donné, ils vont peut-être se tirer dans la face. C'est ça qui va arriver, là. Ouais, mais à un moment donné, Malheureusement, là. c'est ça. Mais à un moment donné, c'est peut-être ça qui va faire qu'ils vont allumer puis qu'ils vont se trouver une direction qui va être plus pro-joueur que pro-actionnaire. Je te dirais une chose, c'est que, par exemple, oui, le graphisme, oui, tu sais, on a plus d'options aujourd'hui comparé au jeu, mettons, de Nintendo avec le 8-bit, sauf que. À part quelques exceptions comme les bandes originales de Mass Effect, Deus Ex, de Halo, certains jeux comme ça, je te disais, par exemple, la musique 8-bit, il n'y a rien qui accroche ça dans un jeu vidéo. Tu sais, Non, la musique de Contra, de Mario, de Double Dragon, Ouais. ça te reste dans la tête pour jusqu'à la fin de tes jours, là, tu sais. Ouais, tandis qu'il y a beaucoup de musique de jeux vidéo Ouais. aujourd'hui qui est oubliable, là, à part Halo, Mass Effect, puis une couple d'autres, Ouais, c'est ça, qui exactement. sont vraiment incroyables, ou même Star Wars The Old Republic, la trame Ouais. sonore Ah. est quand même bonne, Ben juste les deux intros, là, celle du bien puis du mal, là, du jeu qui dure à peu près 10 minutes chacune, sont juste là. trop écœurantes, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que... Fait que c'est quand même ça a quand même beaucoup évolué depuis que toi et moi on a commencé à jouer. Ouais, puis moi, ça fait longtemps en Ouais, moi tabarouette. aussi. Fait Fait que que... merci, Dom. Ben, ça fait plaisir. Ton prochain podcast, c'est quand? On le sait pas encore. On C'est sait pas jamais. encore. On le sait pas d'avant parce que c'est ça, tu sais, ça dépend des horaires du monde, tu sais, parce qu'on travaille tout, là. OK. Donc, tu sais, on sait jamais. C'est soit le vendredi ou le samedi, c'est une belle case horaire, mais tu sais, c'est plus coulé dans le béton comme avant. Bah, Mais tu sais, parfait. on va l'annoncer, ça, c'est pas un problème. Fait Fait que, que juste à vérifier le compte Twitter de Dom qui est @DartSim ou @FactorGeek, puis ouais, vous allez mais voir c'est quand leur prochain. quand on met quelque chose sur Facteur Gay, je le retweet tout le temps sur mon compte à moi. Fait que dans le fond, tu sais, c'est soit un ou l'autre, vous pouvez les suivre les deux, là. Ouais. Mais quand il y a un article sur le site, un nouvel article ou n'importe quoi sur le site, on le retweet tout le temps. Fait que... Bon, ben c'est beau. Là-dessus, Dom, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis on se reparle. Good. Bye, monsieur. Bye.